c'est fini pour ce soir. Merci, hein, merci pour cette grosse soirée, cette grosse semaine là avec vous. C'est Love in Fun tous les soirs, 20h, 23h, on est là. Merci pour les 60 000 likes sur la page Facebook de Love in Fun. Ça y est, on les a atteints. Là tous les jours. Ouais, ouais, ça fait vraiment plaisir. Vous êtes aussi de plus en plus nombreux à écouter Love in Fun, de plus en plus nombreux à écouter Mickaël tous les soirs. Bonsoir Mickaël. Comment Salut. Ça va? Ah, Salut. Ça va bien, ça va en bien. En pleine forme. On a parlé d'endroits un peu chelous où on se masturbe. Oui. Dans l'équipe de Mickaël, on s'est masturbé où alors? Masturbé, j'ai pas forcément de souvenir. J'avais fait un jour l'amour sur la plage qui m'a valu, parce que forcément j'avais bien fait attention. Sauf à la fin où c'est arrivé dans le sable et puis là, le drame. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah rien, c'est-à-dire quand t'as la top dans le sable, si tu veux, ça fait pas du bien quoi. Ah oui, ça fait mal. Ah bah oui, oui. Ah ça oui, fait... tu t'es pris le sable exactement dans la top. Complètement, oui, complètement. Polo, il a fait où lui? Oh, Polo, il a fait quoi? Il fait ça partout, il fait ça dans votre bureau des fois. Ouais. Bah, il faut savoir qu'en été, on a gratté. Sur le bureau de Karima, je suis sûr. Voilà, non, c'est sur le tien, Karel. Ouais, parce que il faut savoir qu'en été, on a gratté votre bureau parce qu'on en avait pas encore et effectivement, il s'est passé des trucs pas très catholiques. Ah bah, avec on a fait des. Voilà. Ah bah, les trucs collants qui restaient sur le bureau. Moi partout. Dans l'autolib. Non mais partout. Moi je suis un grand adepte de la branlette décontractante. Et Sandro, ah. Sandro elle le fait tout où, terrain. Sandro. Oh bah Sandro pas partout. J'aime bien la voiture. Ah ça vient. Passe une grosse voiture Sandro. Voilà. Ouais. Oh, et elle aussi, se met, elle, ça passe. Elle se met au niveau des camionneurs et puis elle se caresse. C'est ça. Ouais. Bon bah je vous laisse les clés du bureau pour ce week-end. Hein. Bon c'est trop aimable. Ah, bah, parfait, on va te souiller toutes les tables. Sauf la mienne. Faites-vous plaisir. Bien entendu. Bon bah bon week-end à vous, bon week-end de Karima et toute l'équipe. Salut à vous. Salut, merci. Ciao. Et on est là jusqu'à 2h nous. Ciao. Tous les soirs. Fun Radio. 23h, 2h. Nos limites. Nos limites. Mickaël. Sur Fun Radio. Exactement. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Tout à l'heure, j'ai croisé une vieille et devinez ce qu'elle me dit. Votre émission, c'est une tuerie. Eh non, mais alors, quand je vous disais justement qu'il se passe enfin quelque chose le soir à la radio, ben, je vous mentais pas. Hein. Donc, continuez à le faire savoir autour de vous, évidemment. On est là, lundi au jeudi, de 23h à 2h. D'ailleurs, ce soir, c'est la dernière de la semaine. Et dimanche, on sera de retour à partir de 20h. Et c'est d'ailleurs dimanche qu'on choisira définitivement chez qui on ira faire l'émission le 9 février. Donc, continuez à vous inscrire. facebook.com/mickaëlofficiel. Puisqu'on fera l'émission en direct de chez vous. Mais quand on dit chez vous, c'est pas forcément dans votre ville. Vous allez devoir vous déplacer pour venir nous revoir. Non, on va faire l'émission de chez vous à la maison hein, voilà, si vous dans le salon direct. Voilà, si vous voulez nous accueillir. On va venir avec un peu de matériel, rassurez-vous, on va pas déplacer le studio complet hein. Soyez tranquille, on va pas tout casser loin de là. Donc si vous voulez nous recevoir, eh bien n'hésitez pas, continuez. Venez sur le Facebook de l'émission, j'ai mis un post il y a quelques jours. Continuez à aller liker, partager, laisser vos commentaires si vous voulez nous accueillir. Et ce sera avec grand plaisir qu'on se déplacera chez vous pour une première. On fera l'émission en direct de votre chambre, de votre salon, de votre salle à manger, cuisine, garage ou cave pour Toff éventuellement, pourquoi j'adore pas. J'adore les caves. Bah ouais, donc facebook.com/mickaëlofficiel, voilà. D'ici là, évidemment, ça fait longtemps que tu les écoutes ou pas, toi, Lily? Oui. Ah, bonsoir, Lily, ça va? Oui. Ça fait longtemps que t'écoutes l'émission? Ouais, avant j'écoutais Karine. D'accord, bon, très bien, donc un fidèle de Fun, donc plutôt une bonne nouvelle, Lily. Bon, qu'est-ce qui t'arrive, dis-moi? Bah en fait, je sais pas m'y prendre avec les filles. Tu quoi? Pas m'y prendre avec les filles. Tu sais pas t'y prendre avec les filles? Ouais. Oh, ça, t'inquiète pas, ça arrive, hein. Regarde Toff non plus, ça n'empêche pas de baiser. Oui, c'est vrai, il est pas très très bon non plus dans le domaine, quoi, mais bon. Voilà. Du moment que tu payes à la fin, ça va. Ouais, oui, c'est ça, voilà, tant que t'as du liquide. Bon, Didi, reste avec nous, on va en parler justement de savoir comment aborder les filles dans quelques minutes. Bah, si comme Didi, vous avez besoin d'un petit coup de main là, ou si vous avez juste envie de venir délirer avec nous, eh bien faites-le. 01 42 48 5000, le numéro du standard fonctionne, et pour la Belgique, le 02 851 4x0, et vous arriverez dans les mains experte de Sandro. D'ailleurs, j'ai une bonne nouvelle, Sandro, là, pour quand tu auras enfin un mec. Ah bon? Ouais, le Viagra pour femmes aurait des effets coupe-fin. Je savais même pas qu'il y avait du Viagra pour femmes. Si, Viagra pour femmes, effet coupe-fin. Le rêve, donc, hein, plus de sexe, moins de bouffe, la folie totale. Ah, c'est vrai. Ah, ça va être une révolution dans sa vie. Hein. Non, bah complètement. Et puis, Toff, le roi du pole dance, hein, qui est là aussi d'ailleurs. Ah. Hein, si vous n'avez pas encore vu la vidéo, sa grande prestation, la vidéo est sur le Facebook de l'émission. Je l'ai posté cet après-midi. facebook.com/mickaëlofficiel. Hein, allez la voir, laissez un commentaire, on lira tout ça pendant l'émission. Et puis, on appellera aussi tes nouveaux amis ce soir. Ah oui. Pauvre connard. Voilà. Allez, maintenant, va te faire enculer. veux pas que je te pénètre ta gueule, sale con. Voilà, tous allez, ces nouveaux. Va te faire enculer. Voilà, tous ces nouveaux amis, bien entendu, que nous retrouverons avec grand plaisir tout à l'heure en direct, bien entendu. Et puis vous verrez aussi sur la vidéo Polo qui s'en sort pas trop mal au niveau du pole dance. Hein. C'est vrai, des années d'expérience visuelle. Mais visuelle, parce qu'il ne faisait que regarder, il n'a pas pratiqué, bien sûr. C'est comme ça qu'il a tout appris. J'ai voilà. touché un peu aussi. Il a un peu touché, effectivement. Et puis ce soir, on aura aussi du son dance floor avec le son de Dimitri Vegas. Stampede sur Fun Radio, je vous calerai aussi 2000 Ovato. Il y aura un nouveau Shakira avec Can't Remember to Forget You sur Fun Radio. Et puis un de mes sons préférés. On chill avec ça. C'est d'ailleurs la chanson du pole dance. Ouais, je vois Karima qui tourne sur la barre. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait Karima aussi qui a fait un petit peu de pole dance. Vidéo donc dispo sur le Facebook de l'émission, facebook.com/mikaelofficiel. Et puis ce soir, on vous offrira également, bien entendu, l'iPad mini. C'est le tout dernier iPad mini à gagner. Si vous voulez tenter votre chance, eh bien, on va vous poser une petite colle là maintenant. C'est avec Ben. Salut Ben. Salut Ben. Ah, il est là. Comment ça va Ben? Ça va bien. Bon, tant mieux. Ben t'appelle de La Panne en Belgique, c'est à la côte. Mais alors comment tu fais pour... Il n'y a pas d'émetteur là-bas? Comment ça, pas d'émetteur là-bas? Mais moi j'ai des iPhones. Hein. Ah, t'écoutes via l'application. J'ai des iPhones. Hein. Ouais. Non, mais écoute, dans le temps j'écoutais sur radio, mais comme le signal est merdique ici, ben... Ah oui, parce que tu captes de l'émetteur de Dunkerque. D'accord, ok, forcément, ouais, oui, c'est pour ça. Ah bah très bien. Bon bah écoute, tu nous écoutes via l'application, donc tant mieux. D'ailleurs, pour les autres, si vous voulez la télécharger, tapez Mikael No Limit sur iTunes. Vous allez pouvoir écouter l'émission en live, vous allez pouvoir écouter les podcasts, participer à l'émission, être au courant de tout ce qui se passe dans l'émission. Bref, la folie totale. Bon, du coup, tu vas peut-être repartir avec un iPad mini. Ben. Ah, ça serait bien. Ah bah ce serait pas mal. Bon, pour ça, il va falloir poser une colle maintenant et espérer que personne ne trouve la bonne réponse, ou du moins si quelqu'un trouve la bonne réponse, que cette personne ne décroche pas vers minuit quand on l'appellera. Moi, je propose pour plus de facilité pour gagner qu'il la pose en néerlandais. Oui, c'est vrai, tu pourrais, c'est une idée, mais on va se contenter du français, ça ira très bien. Ben, vas-y, fais péter la colle s'il te plaît. OK, c'est parti. Alors, je suis très vieux mais pourtant si jeune. Je donne la vie mais un jour je la reprendrai. Même si vous ne me voyez pas, je suis toujours là. Qui suis-je? Très bien, c'est une colle très très courte, hein, c'est bien Ben. Bon, on va la mettre sur le Facebook également pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion forcément d'écouter dans le détail, puissent quand même la lire, ce sera peut-être plus facile pour la retrouver la réponse. Je répète, je suis très vieux mais pourtant si jeune, je vous donne la vie mais un jour je vous la prendrai. Même quand vous ne me voyez pas, je suis là. C'est ça? Oui, c'est ça. Très bien. Est-ce que je peux donner un indice ou pas? Non, ça se fait pas, parce que je donne pas d'indice d'habitude, c'est mal, c'est pas bien. Bon, bah très bien, sinon j'avais un bel indice à donner, mais enfin on verra bien. Bon, très bien, si vous avez la bonne réponse, à vous de jouer, vous envoyez Mikael suivi de votre réponse au 64-900 par SMS donc, et puis pour la Belgique c'est au 63-22 par SMS également, et vous pouvez aussi jouer gratuitement sur le Facebook de l'émission, facebook.com/mikaelofficiel. Donc je suis très vieux mais pourtant si jeune, je vous donne la vie mais un jour je vous la prendrai, même quand vous ne me voyez pas, je suis là, qui suis. Bonne chance tout le monde pour la réponse. On donne cette réponse avant minuit. Et puis Ben, bah tu vas rester là. On va te reprendre de temps en temps pour répéter la colle pour les retardataires. D'accord? Ok, cool. Allez, bah bouge pas de là. Et dans une minute, je vous la mets la petite colle. Je suis en train de l'écrire sur le Facebook de l'émission. facebook.com/mikaelofficiel. Il y a Maëva qui dit coucou, venez chez moi à Toulon. Ma sœur a dit oui. Ah bah ce serait bien, deux filles. Benoît qui dit je peux avoir un coup de pelle car ça fait longtemps que je ne vous ai pas écouté. Ah bah bravo Benoît. Avec grand plaisir. Didine également, j'ai vu la vidéo, elle est trop bien. Zédéric sur le Twitter qui dit la vidéo, un vrai moment de rigolade. Bravo Toff, ah oui, quel grand talent. Surtout quand vous le voyez s'écraser, enfin écraser ses couilles contre la barre de pole dance. Oh là là, qu'est-ce que ça fait mal. C'est pas mal. Je crois que je suis amoureuse de Toff. C'est le plus beau. Ah oui, oui, donc, moi aussi, n'hésite pas, n'hésite pas à aller chercher une canne blanche. Hein. Grégoire qui dit dites-moi merde pour demain parce que j'ai un brevet blanc de maths. Bah écoute, bonne merde Greg. Et Ludwig qui dit salut toute l'équipe, c'est le Canadien. Ah bah salut le Canadien Ludwig, merci d'être là tous les soirs. Et Dylan, ça fait des mois que je vous écoute et vous me faites trop marrer. Je pourrais avoir un message de bienvenue. Bah écoute, avec grand plaisir. Allez, hop là. Allez, maintenant, va te faire enculer. Eh ben voilà. Et puis, message de Lydie qui vient d'arriver, trop sexe à écouter hier, c'est trop drôle, mais alors là, mort de rire. Bon, bah tant mieux si ça vous a fait marrer. La vidéo, donc, sur le Facebook, allez la voir. Et puis, pour ceux qui n'étaient pas là hier, on avait terminé l'émission par une magnifique petite chansonnette. J'ai du poil au cul, du poil au cul, du poil aux fesses. Ça, j'ai du poil au cul, du poil au cul, du poil aux fesses. J'ai du poil au cul, du poil au cul. Ce sera la musique d'intro. J'ai du poil au cul, du poil au cul, du poil au fond. Le trou du cul tout déchiré. C'est un peu l'hymne de Toff. Oui. Ouais. Voilà. Et puis puis vous pouvez évidemment réagir à l'émission avec le hashtag et Mickaël. Et ça fait plaisir de voir d'ailleurs que vous êtes de plus en plus nombreux chaque soir à envoyer vos messages. On fera comme tous les soirs le top tweetos. Et puis à la fin d'émission, pour participer, eh bien il suffit d'envoyer un maximum de messages avec le hashtag et Mickaël pendant l'émission. Et vous serez peut-être l'auditeur le plus influent sur Twitter. Et on offre le numéro 3 ce soir, au troisième plus influent avec le hashtag et Mickaël. Le numéro 3 ce soir repartira avec un sextoy offert par Passage du Désir.fr. Voilà, et Didi qu'on va récupérer de Brest donc dans quelques minutes, car Didi justement ne sait pas s'y prendre avec les filles. Si vous avez des conseils les filles, comment est-ce que vous voulez qu'on vous aborde, comment est-ce qu'on doit faire, eh bien venez nous en parler. On en parle juste après le son de Dimitri Vegas. Ce sera Stampede dans un instant sur Fun Radio. Bonne soirée tout le monde. Mickaël No Limit, c'est sur Fun Radio de 23h à 2h et le dimanche de 20h à minuit. Prenez le contrôle, appelez le 01 42 48 5000 sur Fun Radio. Fun Radio. Mickaël No Limit, No Limit. C'est tous les soirs, 23h, 2h. Sur Fun Radio. Et on est en direct dans toute la France sur Fun Radio. Comme tous les soirs, il est 23h12. Je vous rappelle que demain, ce sera le dernier encart avec Bruno dans la radio. Dernier encart de la semaine, oui. Évidemment. Ça tombe sous le sens. Ils reviendront dès lundi à partir de 6h. Et puis, je rappelle qu'il y a toujours la colle de Ben à découvrir. Je suis très vieux, mais pourtant si jeune. Je vous donne la vie, mais un jour, je vous la prendrai. Même quand vous ne me voyez pas, je suis là. Que suis-je ou qui suis-je? À vous de jouer. Si vous pensez avoir la bonne réponse, envoyez M.I.K.L. les 4 lettres suivies de la réponse. Vous envoyez ça au 64 900 par SMS. Et vous pouvez bien sûr aussi jouer sur le Facebook de l'émission. Facebook.com/M.I.K.L. officiel. Retour avec Didi dans quelques minutes, qui ne sait pas s'y prendre avec les filles. Florian, avant-hier, souvenez-vous qu'il avait voulu faire un questionnaire à Toff pour voir si Toff était intelligent ou pas. Hein, on s'est bien rendu compte que c'était pas forcément gagné non plus. Hein. Et puis il y a Ludwig aussi qui dit « Je suis sûr qu'avec Mickaël, il y a enfin quelque chose de bien à écouter la nuit. » Ah ben je confirme Ludwig, je te remercie d'ailleurs d'être là. 23h13, c'est Mickaël No Limit. On est en direct jusqu'à 2h du mat. Faites passer le message autour de vous. L'iPad mini a gagné avant minuit sur le Facebook. Facebook.com/MickaëlOfficiel. C'est Dimitri Vegas qu'on écoute tout de suite. Et le son de Dimitri Vegas, un belge en plus qui est parmi les 50 meilleurs DJ du monde, c'est Stampede à l'instant sur Fun Radio. Bon, 23h15, on va faire les canulars aussi ce soir sur Fun Radio. On vous avait prévenu, ça va se faire tout à l'heure bien sûr, si vous voulez eh bien tenter de jouer avec nous. Il y a des iPad mini gagnés si vous êtes bon dans le canular, n'hésitez pas à nous appeler maintenant 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. On va saluer également les auditeurs qui sont passés nous voir ce soir. Comment ça va les gars? Alors, approchez-vous du micro, on vous entend mal. Ouais, ça va. Voilà, levez le micro, mais comme moi, là, devant la bouche, devant, sinon on vous entend mal. Ouais, voilà. Ça va bien, merci. Ah, très bien, bon, bah, en pleine forme. Bon, il y avait Vincent et l'autre, j'ai oublié. Valentin, Vincent et Valentin. Ouais, c'est les deux. Sincèrement, bon, ok, vous avez ramené à bouffer, mais je préférais quand même le passage des filles hier. On avait deux filles hier. Faire leur passage, il y a de la bouffe. Ouais, mais c'est ce que je dis. Ouais, il y a à bouffer alors que les autres, elles sont venues sans rien. Mais ouais. Bon, il y a le côté positif et négatif. Bon, soyez bienvenus en tout cas, les mecs, pas de problème. Merci. Bon, et puis bah vous, si vous voulez venir discuter avec nous, vous êtes les bienvenus également. 01 42 48 5000 et 02 851 4x0. Retour avec Didi dans quelques minutes. Jonathan et Mickaël qui voulaient réagir. Et puis on a également. J'ai plutôt une bonne nouvelle pour toutes les filles qui ont des examens ou des partiels ou juste des interros. La solution, enfin, pour que vous soyez plus intelligente. Ah. Eh oui, il faut avaler. Apparemment, hein, c'est une étude qui montre que les filles qui avalent ont de meilleurs résultats aux examens. Bah, donc, les filles, si vous avez besoin de quelqu'un pour avaler, je suis disponible. Ah, c'est intelligent, bravo. C'est ça. Et ben, en même temps, ça se bite coûtera le M&M's maintenant. Hein, donc, vu ce qu'il va bouffer ce soir. Donc, ouais, vous savez ce qu'il vous reste à faire hein, pour réussir, les filles. Donc, Tov, du coup, tu vas poser la question à tes amis. Avec grand plaisir. Voilà, donc si vous avez. Arrête de bouffer pendant que t'es en train de parler, c'est un gros porc. Dégueulasse quand même. Ouais, mais quel gros porc, bon. C'est dégueulasse. Gros porc. C'est dingue. Bon bah donc si vous voulez envoyer des numéros de téléphone de gens encore debout à sortir pour Toff, hein, n'hésitez pas, toph@funradio.fr, surtout n'hésitez pas. Bon, alors il y a des messages qui sont arrivés, il y a Journals aussi qui dit je vous écoute depuis fin août et j'ai pas encore eu mon message de bienvenue. Un bien lourd s'il vous plaît. Oh bah oui, alors attends, bien lourd, je pense que j'avais du effectivement lourd. Il y avait celui-là qui était pas mal si mes souvenirs sont bons. Franchement t'es qu'une grosse merde, des mecs comme toi j'en chie tous les matins, culé de ta merde. Voilà, il était pas mal, il était bien celui-là. Benoît qui dit Dimitri Vegas, ce son est juste énorme. Mais on vient de le mettre. DJ Coma qui dit moi je suis super timide pour aborder une fille dans la rue. À vrai dire, je l'ai jamais fait, aborder des filles dans la rue. Oui, c'est vrai. Bon, en même temps, moi non plus. Hein, mais c'est très simple. Je vais vous expliquer moi. Bon, attends, tu vas d'abord. On va d'abord écouter Didi pour voir quel est son vrai problème, Didi. Oui. Bon, il est de retour, Didi de Brest, dans le 29, donc, qui ne sait pas aborder des filles. C'est ça, Didi? Ouais. Bon, alors, c'est quoi ton problème? Qu'est-ce que tu dis quand tu vois une meuf qui te plaît? Fun radio! Parfait, ah, c'est bien d'avoir des fans. Ouais, mais c'est ça, si tu dis fun radio comme ça, ça sert à rien. Ça marchera pas, évidemment. Et si en plus tu vas avec tes potes qui gueulent derrière, ça ira encore moins bien, note, hein, mais bon. Ouais, mais en fait, quand j'essaye de parler avec des filles, j'ai pas envie de prendre des vents. Bah oui, mais t'en prendras, c'est pas grave. Au moins, bah regarde, Paul, Toff et Polo, je peux te dire comment te dire qu'en termes de vent, c'est un ouragan maintenant, hein, c'est plus du vent là. Hein. Ah bah c'est le festival de la tempête. Hein. Ah bah c'est complètement ça. Mais faut y aller, faut pas avoir peur. Parce que regarde, je prends un exemple. Tu vois une meuf qui te plaît. Ouais. T'as envie de la voir, normal. Ouais. Si tu n'y vas pas, tu ne sauras jamais si oui ou non t'aurais peut-être pu gérer quelque chose. Si tu y vas, si oui, tant mieux, t'as tout gagné. Si c'est non, eh bah tu passes à autre chose et puis c'est pas grave. Tu vois? Ah, mais moi j'ai déjà eu des meufs, mais elles restent pas longtemps avec. Hein. Elles restent pas avec? Elles restent pas longtemps avec moi en fait. Ah, oui, mais peut-être parce que t'es un mauvais coup aussi, ça c'est possible. Hein. Ah, bah ouais, mec, ouais. Après ça c'est un autre débat. Mais attends, il y a aussi Jonathan qui est avec nous de Dieppe. Salut Jonathan! Salut Mickaël, comment ça va? Ça va et toi? Bah oui, ça va très bien, ouais. Tiens, Jonathan, et les filles aussi d'ailleurs, je voulais avoir vos avis, les filles, là, comment est-ce que vous aimez qu'on vienne vous aborder, qu'est-ce que vous préférez? Voilà, en gros, c'est ça. 01 42 48 5000 et 02 851 4x0. Et puis Yannès, ouais, mais t'inquiète pas, t'es déjà en direct, y'a pas de problème. Y'a Shippeuse Baby qui dit, Toff, le pole dance, c'est pas pour toi, ça c'est sûr. Je suis pas d'accord, moi je trouve que j'ai été très honorable. Mais oui, et encore par rapport à l'étude de Toff, là, qu'on va étudier dans quelques minutes, justement, Yannès qui dit, encore une étude faite par des gars. Et on ne sait pas, figure-toi, on n'est même pas certain que ce soit le cas. Ce sont des scientifiques. On ne remet pas les scientifiques en cause selon leur sexe. Ça n'a pas de voilà. sexe. Et Christophe voilà. également sur le Facebook qui dit moi c'est en vous écoutant que je me branle. C'est assez insolite. Oui, effectivement, mais bon, tant que tu prends du plaisir, c'est le principal. Et Stéphanie qui dit je peux pas vous écouter, j'ai perdu mon téléphone, mais bisous et bonne soirée. Bah Stéphanie, toi t'entendras pas le message, c'est dommage. Bon alors, Jonathan, sois le bienvenu à Dieppe, comment ça va? Ça va et vous? Eh ben écoute, plutôt pas mal. Bon alors, t'avais des conseils toi pour aborder les filles? Ouais, c'est parce qu'en fait, quand je suis avec ma copine, bah dès que j'ai un rapport sexuel, en fait j'ai un blocage. J'ai plus de sensations, j'ai plus rien en fait. Ah bon, mais ça c'est un autre problème ça? C'est même pas un problème pour aborder les filles, c'est un autre problème ça? Non, lui c'est un problème pour aborder sa meuf en fait. Ouais, c'est ça en fait, c'était avec ta meuf et t'arrives pas à aller jusqu'au bout. Bah si, j'arrive à aller jusqu'au bout, mais en fait bah j'ai des blocages pendant à peu près 5-10 minutes. C'est et quoi puis, en fait... Qu'est-ce que t'appelles un blocage? Ouais, c'est quoi le blocage? Bah j'ai plus envie de continuer quoi, j'ai plus envie de rien faire. Ah mais ça c'est normal, t'es saoulé. Bah non, t'as pas ouais, envie, t'as bon. Plus envie. À la limite que t'es plus du tout envie une fois que t'as terminé, bah oui, ça c'est normal à la limite. Mais avant c'est bizarre. C'est-à-dire que ta meuf bah, elle ouais, est c'est... là, je vous en supplie, arrêtez de bouffer, ça me rend. J'ai arrêté. Non mais alors c'est Polo, j'entends. J'ai arrêté. Comme des porcs, c'est un truc de ouf. D'ailleurs je coupe vos micros, je vais faire comme les connards, tiens voilà, je serai seul à parler. Et je vous autoriserai à parler que quand je l'aurai décidé, je lèverai votre bouton. Oh putain, ça fait du bien. Je sais pas si vous avez la radio fort, mais nous on a le casque, donc moi ça fait. Oh, on dirait des vieux porcs. C'est un truc de dingue quand même. Bon, donc Jonathan. Ouais. Jonathan, t'en as déjà parlé avec ta meuf? Ouais, j'en ai déjà parlé, mais elle comprend pas tout ça et puis elle cherche pas à comprendre quoi. Bah oui, mais tu mets toi à sa place, c'est-à-dire que ouais, bah écoute, non, j'ai plus envie. Comment ça, t'as plus envie? Je suis à Walpé là, je t'attends et tu me dis que t'as plus envie. Mets-toi à sa place, c'est normal. Ouais, normal. Bah oui, attends, il y a Zédéric qui dit aussi, moi j'aime quand on me charme avec de l'humour. C'est Zédéric sur le Twitter. DJ Coma qui dit j'ai pu percer le système de la chevelure de Toff. En fait, il se lave les cheveux avec son sperme. Il y a peut-être de ça également. Non, c'est le gel que je mets dedans et donc ça dépend de ce que je peux fournir pour les faire tenir. Ouais, peut-être. Ouais, c'est une idée. Et Benoît aussi. Note, c'est moins cher. Hein. Bah grave. Bah, ouais. Attends, et Benoît, c'est une grosse économie à 4 euros le pot. Et Benoît qui dit je suis dans le même cas que Toff et Polo, c'est des grosses tornades. Bon, bah appelez-nous les filles là aussi, j'ai besoin de vos avis là maintenant là. Bon, Jonathan, du coup toi t'as un autre problème encore, hein. C'est même pas le problème de pas savoir aborder les filles, c'est que t'as un souci avec une meuf. À partir de quand c'est arrivé? La première fois? Bah ça va faire à mon premier rapport sexuel avec. Premier rapport sexuel, ça a merdé. Pourquoi ouais. Ça a foiré? Il y a eu un problème? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, je sais pas. Elle avait un furoncle sur la chatte, peut-être. En fait, j'ai plus du tout envie, plus rien en fait. Ah, plus du tout envie. Bah c'est bizarre ça. Et avec la meuf d'avant, ça allait? Ouais, ça allait, nickel. Mais c'est bizarre. Mais elle a rien fait de spécial? Elle t'a pas fait peur ou un truc comme ça? Est-ce que t'étais amoureux? Non. Non mais je te parle de la meuf à qui t'es maintenant. Ah ouais, bah là oui. Ah bah voilà, à mon avis c'est ça. C'est comme t'es amoureux, t'as eu peur au début en fait. T'as eu peur de pas être à la hauteur, t'as eu peur de merder, t'as eu peur de complètement foirer. Et du coup t'as eu un blocage, à mon avis c'est ça hein. Bon, après je suis pas psy mais je pense que ça peut être ça ouais. je pense. Bah, dis tous les autres. Attends, reste avec nous. Reste avec nous, Jonathan, on va demander l'avis des autres. Tiens, appelez-nous maintenant 01 42 48 5000 et puis 02 851 4x0 depuis la Belgique. Si vous avez quelque chose à dire, n'hésitez pas, appelez-nous si ça vous est déjà arrivé justement. Vous m'appelez maintenant sur Fun Radio en direct et vous passerez à l'antenne avec moi, bien entendu. On va d'abord se faire aussi un petit coup de colle là maintenant là. Allez hop, c'est reparti, Ben. Ouais. Alors, très bien. Ben, toujours avec sa colle pour gagner l'iPad mini. Je rappelle qu'on fera un tirage au sort tout à l'heure pour repartir avec cet iPad mini sur le Facebook de l'émission, facebook.com/mikaelofficiel ou par SMS pour envoyer des réponses. Je vous donne les numéros juste après la colle de Ben. On t'écoute, Ben. Je suis très vieux, mais pourtant si jeune. Je donne la vie, mais un jour, je la reprendrai. Même si vous ne me voyez pas, je suis toujours là. Qui suis-je ? Voilà, si vous avez la bonne réponse, et Mickaël, suivi de votre réponse au 64 900 ou alors par SMS au 63 22 pour la Belgique. Et vous pouvez, comme je le disais, aussi jouer gratos sur le Facebook de l'émission, facebook.com/Mickaël officiel. Voilà, vous suivez, c'est quand même exceptionnel. Bah ça, oui, bravo. On suit, ah bah oui. Bah voilà, c'est oui, mais ça. T'as dit qu'on pouvait plus parler, faut ouais, c'est ça, mais ça t'a pas empêché de parler pour parler de tes cheveux, hein ? Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est ça, ouais. Ouais, Ben. Yes. Je peux te demander un truc ? Bah dis-moi toujours. Il y a à peu près quelques années de ça, j'ai fait un maman comment tu as fait qui a déchiré l'antenne chez vous. Ouais. Et ce serait possible de le rentendre un jour. Ouf, ah bah il faut le réécouter, il faut le retrouver déjà aussi. Hein. Ça c'est la première chose. Ah, je peux t'envoyer un lien par Facebook si tu veux. Eh ben tu peux toujours me l'envoyer. Après je te promets rien, mais envoie-le toujours. On va voir au niveau du son tout ça. Pourquoi pas Ben. Bon, je sais pas si tu t'en rappelles, c'était avec Charlie. Oh c'est possible, Prédit. Mais ça fait longtemps Ben. Hein, depuis il y en a eu des jeux là. Hein, il y en a eu. Mais bon, attends, ne mélangeons pas tout. On va d'abord gérer avec cette colle pour pas tout mélanger, sinon les auditeurs vont plus rien comprendre. Donc, il faut trouver la colle de Ben. Je suis très vieux, mais pourtant si jeune. Je vous donne la vie, mais un jour je vous la prendrai. Même quand vous ne me voyez pas, je suis là, qui suis-je ? Et Mickaël est la réponse au 64 900 ou au 63 22 pour la Belgique. Et puis, facebook.com/Mickaël officiel. Il y a Marine qui proposait Dieu. Ben ? Est-ce que c'est la bonne réponse, Dieu ? Je sais pas. Bah non, il faut dire oui ou non. Hein. C'est ça. Alors moi, je veux pas aider les auditeurs. Ben. Des merdes. C'est ça ou c'est pas ça ? Eh ben non. Bon, bah très bien. Nicolas qui proposait la mort. Non plus. Le temps proposait également. Non plus. Il y a Quentin qui proposait le cœur. Non plus. Et encore un autre, mais il a pas laissé son nom, qui proposait la vie. Non. Bon, tant pis. Allez, c'est pas grave. Si vous avez la bonne réponse, vous savez ce qu'il vous reste à faire. On donne la réponse avant minuit en direct sur Fun Radio. Et puis on va s'écouter avant de récupérer Didi, Jonathan. Il y aura également Hélène qui voulait donner son avis aussi pour savoir comment est-ce qu'il fallait bien qu'on vous aborde, mesdemoiselles. On aura Florian également avec le questionnaire de Toff. Et je vous mets la... Oh putain, j'ai mis une photo. Je vais vous la mettre là dans quelques minutes de Demi Lovato qui est en mode sexy sur la plage. Mmh. Elle a mis ça il y a quelques minutes sur son Instagram. Je peux vous dire que c'est plutôt sympathique. Je vous la mets dans pendant la chanson de Demi Lovato, Neon Light, qu'on écoute maintenant sur Fun Radio. C'est Mickaël No Limit, bienvenue. Si vous arrivez, on fera les canulars tout à l'heure. Si vous voulez nous appeler, vous êtes les bienvenus. 01 42 48 5000 pour la Belgique, le 02 851 4x0. Et puis on fait les appels de Toff dans quelques instants, juste après le son de Demi Lovato. C'est Neon Light maintenant sur Fun Radio. Bonne soirée tout le monde, on est en direct jusqu'à 2h. Bon ben ça y est, je vais la mettre la photo de Demi Lovato en mode sexy à la plage. Elle est en vacances actuellement et elle vient juste de la poster sur son Instagram. Enfin je dis juste, c'était quoi, il y a une demi-heure je crois, un truc comme ça. Donc si vous voulez aller la voir et plutôt sympathique, oh mon dieu, dise, moi, allez voir hein, facebook.com/mikaelofficiel. Je viens de vous la poster maintenant, la Demi Lovato qui est publiée sur son Instagram, une photo d'elle en mode sexy à la plage. Donc allez faire un like hein, si vous êtes en train de baver comme ça. Oh là là, je like. Ouais bah ça m'étonne pas ouais. Donc n'hésitez pas. Il y a Camille aussi qui dit pourquoi c'est chez moi qu'il faut venir, parce qu'il y a du soleil à Bordeaux, parce qu'il y aura des M&M's et du coca, parce que je ramène toute ma commune, on est 20. Ah oui, c'est une grosse commune là. Grosse, ouais. Parce que je vous aime bien. Ah, c'est pas mal ça, Camille. Bon, on dira dimanche hein, où est-ce qu'on va se rendre, dans quelle ville et chez quel auditeur on va venir faire l'émission en direct de sa propre maison. Et Cheapest Baby aussi sur le Twitter qui dit Mickaël, rien qu'en vous écoutant, t'avoues Mickaël, tu aborderais sans aucune difficulté. Et oh, oui. C'est gentil, Cheapest Baby, mais tu sais, c'est pas toujours aussi simple, malheureusement. Retour avec Didi dans quelques minutes, avec Florian le questionnaire. Pierre, il y aura Jonathan, il y aura Adèle également qui apparemment a la solution pour draguer Didi. Mais avant cela, eh bien, comme chaque soir, 23h30, on va donc faire le premier appel de Toff. Mais allons-y. Rapport aux numéros qui ont été envoyés, bien entendu, sur le mail de Toff, toph@funradio.fr. Et puis, bah, surtout, c'est rapport aussi à cette étude qui a été faite, puisque il y a beaucoup de filles, apparemment, les mecs aussi, notes, hein, qui ont des problèmes de mémoire. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en gros, pour bien étudier, il faut bien avaler. Paraît-il, voilà. Donc, c'est une étude scientifique. Moi, je ne me permettrai pas de colporter des rumeurs. Mais bon, étude sérieuse. Ce sont des faits. Voilà, paraît-il. Donc, on y va. On appelle le premier maintenant. C'est parti. On y va. On appelle tout de suite sur Fun Radio. À mon avis, on n'aura pas beaucoup de réponses. Mais enfin, bon, on verra. Allô ? Allô ? Oui. Oui, bonsoir monsieur. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Voilà, en fait, je vous appelais parce que je voulais savoir si votre femme avalait quand elle vous suce. Non mais dis donc, hé. Oui. Allô ? T'es qui toi ? Moi je m'appelle. Pour une question pareille. Je m'appelle Toff, monsieur. Toff ? Oui. Oui, et t'es sûr que t'es pas débile pour poser une question comme ça ? Mais pas du tout, monsieur, enfin pourquoi vous dites ça ? Non mais t'avais des questions comme débiles comme ça à poser ou quoi ? T'es payé pour poser des questions débiles pour énerver les gens ? Dis-moi. Mais je veux pas vous énerver monsieur, je veux juste savoir si votre femme avale. Oh, eh oh ! Espèce d'impoli et d'imbécile que t'es, tu sors d'où ? Poser des débilités pareilles. Mais c'est pas une débilité monsieur ? Pourquoi vous dites ça ? Non, mais dis donc toi, pour sortir des grossièretés pareilles ? Mais quelle grossièreté monsieur ? Moi je vous dis, je vous ai pas dit de grossièreté. Recommencez ce que vous venez de dire ? Bah je voulais savoir si votre femme avale monsieur, c'est tout. Y a aucune vulgarité là-dedans. Non mais dis donc, là, tu sors d'où toi ? Bah moi je sors de chez moi monsieur. Et comment vous avez mon numéro de téléphone déjà, pour commencer ? Bah dans l'annuaire monsieur. Ah dans l'annuaire, bah voilà, au hasard, comme ça. Bah oui. Tu veux que je téléphone à la police ? Mais pourquoi vous voulez téléphoner à la police monsieur ? Non, pour poser des grossièretés pareilles comme ça chez les gens. Mais je pose pas de grossièreté monsieur, enfin. Moi je vous ai juste posé une petite question gentille. T'appelles ça une question gentille ? Bah oui. Ah oui, bah dis donc. Mais non, mais enfin, monsieur, vous êtes pas très gentil. Non, mais t'es payé pour faire le clown ou pour énerver les gens ? Je comprends pas le sens de ta question. Bah, le sens de ma question, monsieur, c'est que je vous demande si... Et toi, et ta femme, elle fait quoi avec toi, ta femme ? Mais j'ai pas de femme, moi, monsieur. Eh ben alors, assieds-toi tout seul, alors, idiot. Ah bah, au moins, ça le mérite d'être clair, hein. Ah bah oui, je vais aller mastiquer dans le bureau de Karel. Complètement. On y va, on rappelle ? Allons-y. Allez, c'est parti. Pendant ce temps-là, il y en a qui disent que Demi Lovato est plate et qu'il nous en faut peu. Ah bah oui. Ah oui, il nous en faut très peu. Bah totalement, hein, donc n'inquiétez pas. Hein. Demi Lovato que je viens de mettre sur le Facebook, en mode vacances. Elle vient de la poster sur son Instagram. Allez. Dis donc, espèce de guignol que t'es, va. Tu téléphones comme ça chez les gens qui ont un numéro inconnu, comme ça on te reconnaît pas. Ben moi, je peux vous donner mon numéro, monsieur, si vous voulez. Y a pas de problème, c'est parce que c'est bloqué dans la machine. C'est quoi ton numéro de téléphone ? Alors, dis-le-moi. 01... Rigole un peu. 01... 42... 48... C'est bloqué de la machine. Tu téléphones comme ça chez les gens pour dire des grossièretés. Mais c'est pas des grossièretés, monsieur. Je vous ai posé une question toute gentille, toute innocente, toute mignonne. Espèce obsédé, bah, t'as rien d'autre à faire le soir que d'embêter les gens. Bah non. Ah bah non. Mais enfin monsieur, il n'y a aucune... Vas-y voir ton numéro de téléphone un peu toi. Alors 01... 01... On dit plus rien, c'est bizarre. 42... 48... C'est un faux numéro. Sinon ton numéro apparaîtrait quand tu appelles. Ou alors tu le caches. Tu fais le 3631 pour faire des conneries, c'est ça ? Mais pas tu du tout. Tu caches ton numéro, c'est ça ? Mais pas du tout monsieur, enfin... Mais non, moi je vous appelle gentiment. Hé, hey, c'est pas la première fois que j'ai l'impression que tu appelles ici et que tu coupes en numéro inconnu. Mais... C'est pas la première fois. Ah bon ? Mais vous êtes sûr que je vous ai déjà appelé, monsieur ? Non, mais pour poser des questions comme ça, il faut pas être sorti, je sais pas, de ce que vous sortez. Mais non, monsieur, enfin moi je vous pose une question gentille. Il y a quelque chose qui n'est pas net dans ce que tu dis là. Parce que si c'était réellement ton numéro de téléphone, il apparaîtrait. À moins que tu caches ton numéro. Parce qu'il apparaît en inconnu. Mais oui, mais c'est parce que c'est bloqué, monsieur, je viens de vous l'expliquer. Oui, c'est bloqué, bien sûr. Pour dire des âneries aussi, c'est bloqué. T'es sûr que t'es pas bloqué d'ailleurs ? Non, tu es sûr ? Bah oui, monsieur, complètement. Oui, bah je vois ça. Mais pourquoi vous voulez pas répondre à ma question ? Parce que ça sert à tout. Je m'en fous ta question. Pour des grossièretés, tu te rends pas compte ? Oui. Tu vas écouter. Bah oui, mais je vois pas le rapport, monsieur. Tu trouves ma gueule ou quoi encore ? Bah non. Tu trouves moi ou quoi ? Mais non, mais c'est parce que je... Appelle voir un autre numéro et dégage. Ah, ça mérite d'être clair encore une fois au moins. Hein. Bon, eh ben, on rappelle encore un coup, pas hein. Oh oui, allez. Bon, allez, un petit. Hop là, c'est reparti. On y va encore un petit coup. Il avait l'air, il commençait seulement à devenir à point. Ouais, là, mais là, il chauffe là. Ouais, là, il chauffe là. Faut pas l'avoir bien cuit, mais à point, c'est parfait. Vous arrêtez d'importuner les gens. Je sais pas qui vous êtes, mais dégagez de là. Vous comprenez ou quoi? Bah oui, c'est qui Toff? Bah c'est moi, monsieur. Idiot, va. Vous m'en foutez ta question. Faut qu'elle soit intéressante alors. Bah d'accord. Alors, est-ce que votre femme avale, monsieur? Avale quoi? Idiot, va. Bah, quand vous éjaculez, monsieur. Putain, mais je vais lui mettre un pain à celui-là. J'ai lui mettre un pain à ce mec-là. J'ai lui mettre. Mais enfin, monsieur, pourquoi... Mais fais ton mariole dans ton téléphone. Fais ton mariole. Fais ton mariole dans ton téléphone, idiot, à côté. Pourquoi toute cette violence, monsieur? Fais ton mariole. Mais je fais pas le mariole. Tu décroches, tu dis des gros sapés au téléphone. Imbécile que t'es. Chien, va. Mais monsieur, le plus vulgaire, c'est vous. Oh, chien, va. On va le rappeler, ça, parce que la dernière... Là, il commence à être parfait, là. Allez, hop, c'est reparti. Espèce de chien, va. Attends, on va le rappeler. Allez. Je pense que là, il va être au taquet, là. Bah, j'espère. Oui, allô? Allô? Vous arrêtez de me faire chier, d'accord? Ou je vais faire tracer votre numéro de téléphone. Vous arrêtez de me faire chier, maintenant? Vous arrêtez de me faire chier et d'appeler ici? Bah oui, mais vous répondez à ma question, alors, monsieur? Je réponds à ta question, du con! C'est pas gentil, monsieur. Imbécile! Mais non, monsieur... T'as que ça à faire ou quoi? Monsieur, soyez un petit... Arrête, va, que t'es débile mental! Soyez un peu poli, monsieur, enfin! T'as qu'à foutre avec ta question! Tu as été impoli, t'as besoin d'une question, toi? Bah oui, monsieur! Vous appelez ça comment, vous? Attends. Que chez les pommes, chez les flics, je vais faire pas ça de numéro de téléphone. Tu vas voir, c'est d'ordure que t'es, va. Il y a les enfants aussi qui décrochent. Imbécile, tu dis obscénité, tu dis? Mais t'arrives à côté. Va te faire soigner, va. Mais enfin, monsieur, j'ai rien dit. Imbécile, encore qui dit, j'ai vu votre numéro dans l'annuaire. Comment t'as dit mon numéro, toi? Imbécile. Bah, comme tout le monde dans l'annuaire. Vous avez emménagé ici, idiot, va, à côté. Bah oui, peut-être, mais j'ai quand même trouvé votre numéro dans l'annuaire, monsieur. Oui, c'est ça, bah voyons, va. Une chance sur un million de le trouver. Bah voyons. J'en ai de la chance. Vous pensez que je dois faire un loto? Ta gueule, garde ta question. Obsédé, va, côté. Garde ta question pour toi, je veux pas le savoir. Et tu arrêtes d'appeler ici, d'accord? Sinon je vais tracer ton numéro de téléphone, hein? Tu crois que tu te caches à ton numéro de téléphone inconnu? Tu es tranquille? Tu crois? Non. On peut retrouver des obsédés comme toi. Mais on oui. Peut retrouver, t'inquiète pas. Je sais qu'un numéro masqué peut être démasqué. Ouais, non, mais... Non mais il est parti. Oh bah il était sympathique il était bon lui. Bon hein. On fera d'autres tout à l'heure des numéros là, des appels. Maëva qui dit salut, je vous écoute depuis hier et je vous adore, je peux avoir mon message de bienvenue. Bien sûr Maëva, avec grand plaisir. Je veux pas que je te pénètre ta gueule, sale con. Voilà Maëva, et puis sur la bienvenue surtout hein. N'oublie pas d'ailleurs de faire passer le message à tes potes. Qu'il se passe enfin quelque chose le soir à la radio. C'est sur Fun Radio que ça se passe, du lundi au jeudi de 23h à 2h et tous les dimanches de 20h à minuit. Bon, Didi qui nous avait appelé parce qu'il ne sait pas comment s'y prendre avec les filles. Et on a Adèle également, d'Annemasse, en Haute-Savoie. Allô Adèle. Allô. Comment oui, ça bonjour, va les gars. Ça va? En pleine forme. Ouais, très bien. Bon, alors Adèle, toi tu, apparemment, en trois mots, tu peux nous expliquer comment faire pour draguer à tout... Pas en trois mots. À l'époque, bon, quand j'étais plus jeune, quand je sortais plus souvent, j'appelais ça les trois questions d'or. Ah, les trois en questions, fait, d'accord. Voilà. Bah en fait, j'allais en boîte de nuit, je repérais une femme célibataire, je regardais qu'elle me regardait un minimum quand même. Ouais. J'allais l'aborder, j'allais lui poser déjà la première question, même si je m'en doutais, je lui demandais est-ce qu'elle était célibataire. Mm-hmm. Elle me disait ouais. Après, la deuxième question, je lui demandais comment elle me trouvait physiquement. Généralement, 10 moyens ou beau ou suivant... Bah ouais, ça dépend. Moche aussi. Bah, moi, j'ai des goûts moches, hein, mais bon. Le problème, c'est que c'est une question ouverte et ça, tu peux pas la poser quand t'es tough. Ouais, non. Et la troisième question, je lui demandais est-ce qu'elle aime les mecs imprévisibles. Ouais. Si elle me disait oui, bah je l'embrassais directement et emballé, c'était pesé. Et ça marche, hein? Bah, je te jure, ça marche. Bah, actuellement, là, je suis marié, ça fait 4 ans. Et je continue, hein, bah, ça marche très bien. Ça fait 7 ans que je suis avec ma femme. Bon, je n'ai pas dragué en boîte de nuit, je l'avais rencontré, je l'ai dragué comme ça. Et je me suis fait... Là, c'est moi qui me suis fait prendre à mon propre jeu, mais je suis content. Bah, je suis marié avec elle et je l'ai abordé comme ça. Et là, on a 2 enfants. Et, ah, sympa! Bah, félicitations. Attends, on va quand même demander l'avis des filles aussi. Hein. Dites-nous les filles si ce genre de plan vous aimez bien. C'est genre les trois questions et puis la dernière, si jamais vous répondez bien, si à la question où vous aimez, t'aimes les hommes imprévisibles, si elle répond oui et que tu l'embrasses, est-ce que ça vous fait kiffer ou pas? Tiens, bah justement, Adèle. Eh bah écoute, tu peux encore rester avec nous ou t'es occupé là parce qu'on m'a dit que tu bossais. Bah, ouais, bah en fait je suis occupé. Tu vois, je suis commercial pour Fun Radio, je cherche des auditeurs pour vous. Ah bah très bien, c'est bien ça, non, non, good non. job. Je travaille, franchement là, c'est parce que voilà, je voulais passer, ça fait une semaine que j'écoute votre radio. Ah bah c'est et cool. Là je bosse et là j'ai pris sur mon temps, mais je peux pas trop... D'accord, je comprends. Eh bah écoute, un grand merci en tout cas Adèle, et puis on va continuer à en parler, bah continue à écouter la radio, on va continuer à parler de ta théorie. Merci beaucoup Adèle. Salut. Vous assurez, les gars. Merci beaucoup. Bah, c'est gentil d'écouter, surtout Adèle. Ne bouge pas. Tous les autres, restez avec nous. On va revenir dans quelques minutes. On écoutera aussi le son de Shakira sur Fun Radio avec Rihanna. Can't remember to forget you. Et il y a toujours la photo de Demi Lovato hein, qui est en mode sexy à la plage là sur le Facebook de l'émission. Bah, elle vient de la poster sur son Instagram. Facebook.com/MIKAELOfficiel. Un truc à dire. Mikael, appelez Mikael. Nos limites. Fun. 01 42 48 5000 sur Fun Radio. Please call again. Mikael. No limit. Tous les soirs, 23h, 2h, sur Fun Radio. Fun Radio. Et on est en direct toujours dans toute la France sur Fun Radio. Bonne nouvelle, il n'y a plus de pub toute la nuit. Il n'y aura pas de pub avec JB non plus tout à l'heure à partir de 2h du mat. Et puis pas de pub non plus jusqu'à l'arrivée de Bruno tout à l'heure. Bruno dans la radio à partir de 6h du mat. 23h, 2h, on est là tous les soirs sur Fun Radio, bah, juste après Love in Fun. Et puis le dimanche, et bien sûr aussi de 20h à minuit. Faites passer le message. D'ailleurs la semaine prochaine, gros dossier également, une grosse semaine, puisque j'aurai à vous offrir des GoPro Hero 3 Plus Black Edition. Ah oui, quand même. Les toutes grosses de chez toutes grosses qu'on vous offrira donc la semaine. Enfin, elles sont toutes petites, mais c'est les haut de gamme, je veux dire. Aha. Et puis on aura des casques Beats by Dre également à vous offrir donc dès dimanche à partir de 20h. Faites passer le message autour de vous. On saura également dans quel coin de la France on va aller faire l'émission en direct le 9 février. Ce sera un dimanche soir. C'est dimanche qu'on donnera les résultats. Et puis on aura la réponse avec la colle de Ben pour gagner l'iPad mini. D'ailleurs, si vous voulez la gagner, le gagner cet iPad mini, rencard sur le Facebook de l'émission dès maintenant, facebook.com/MIKAELOfficiel. Et je vous en parlais également depuis tout à l'heure. Je vous cale dans moins de 10 minutes également le son de Shakira sur Fun Radio. Shakira et Rihanna, Can't Remember to Forget You. Voilà, ce sera évidemment tout à l'heure sur Fun Radio, je vous le cale avant minuit. Bon, et si vous avez envie d'écouter un son en particulier, vous pouvez aussi hein, nous les demander. Hashtag et Mikael sur le Twitter de l'émission. Sur le Facebook, ça marche aussi. Julien qui dit vous envoyez du lourd, les gars. Je vous écoute tous les jours depuis le début. Tof dans la rue qui demande les trois questions aux meufs. Oh, ça devrait être drôle, tiens. Je pense qu'on peut se marrer, à mon avis. Benoît aussi qui dit il y a enfin quelque chose de bien à la radio le soir. Merci, Mikael. Merci, Benoît. Et Zéléric qui dit non, ça c'est un peu lourd, dingue et prétentieux comme approche. Je préfère les mecs humbles et marrants. Oui, c'est Adèle qui nous avait appelé en disant qu'il avait. Trois questions pour arriver ou pas à emballer une fille. La première, c'est salut, t'es célibataire, en fonction de la réponse. Tu me trouves comment? Deuxième question, en fonction de la réponse, tu vas à la troisième ou pas. Et la troisième, est-ce que t'aimes les mecs est-ce que t'aimes être surprise? Ouais, c'est ça, est-ce que t'aimes être surprise? Et si elle répond oui, tu l'embrasses. Si elle répond non, tu rentres chez toi. Trois questions pour Toff, trois baffes dans sa gueule. On va le faire. Quoi? Je vais emmener Toff dans la rue et je vais filmer. Je veux voir des baffes s'abattre sur cette merde. Non mais après on peut faire un battle pour voir lequel des trois. Ça trouve, après la première question, ça peut marcher, hein. Ça dépend. Ouais mais enfin la meuf elle va quand même attendre, elle va pas te sauter dessus à la première question. Je sais pas, ça dépend. Après, regarde, peut-être que Polo, on lui sauterait dessus ou non. Ou pas. Non, on va planquer son téléphone quand Polo va arriver. Moi, la meuf, qu'est-ce que vous êtes là? Moi, la meuf, elle me saute dessus, mais c'est pour me démonter, c'est pas. Oui, mais voilà, toi, tu veux la démonter, mais elle va pas te démonter. Ouais. Elle va pas te démonter mais non, pareil. Mais non. Y a Florian qui dit pas sûr que sa technique fonctionne très bien. De toute façon, le meilleur truc, c'est de rester soi-même. Morgane aussi qui dit j'aime pas ce genre de mec en boîte. Moi, je trouve que le mieux pour draguer, c'est au boulot. Et puis Cécile également sur le Twitter la lourdeur de la technique de drague d'Adèle. Bah, lui, ça a marché, il est marié depuis longtemps. Et Camille avec un K qui dit oui pour la technique pour un soir. Ah, donc il y a des filles quand même qui seraient plutôt open pour ce genre de technique, mais seulement. Si c'est un plan d'un soir, à voir. En tout cas, Camille, on va demander ton numéro. Je vais te poser les trois questions. Ouais, c'est ça. Ouais. On va comme demander à Hélène qui est avec nous maintenant. Bonsoir, Hélène. Bonsoir. Comment ça va, Hélène de Fontainebleau? Bah, ça va. Merci, et vous? Bah, écoute, on va plutôt pas mal. Hein, on va plutôt bien même. Je rappelle oui, d'ailleurs. Bah oui. Bon, rien à voir avec Fontainebleau, mais on sera également le 7 février. On sera au El Patio en Picardie. Oui, à Compiègne. Oui, non, rien à voir. Ah non, rien à voir. Non, mais c'est pas ce que j'y pense maintenant. Mais donc, du coup, on y sera. Si vous voulez venir, on aura Jean-Pierre Sauzère qui sera là pour un concert énormissime, exclusif. On aura Toff habillé en lapin pour chanter la chanson de Jean-Pierre Sauzère. Oui, je serai une fronde d'Orlande. Ouais, et puis on vous attend nombreux puisqu'on ira faire faire un petit quart juste avant et un petit laser game. Donc si vous voulez nous affronter, on sera donc ce sera à Compiègne dans la future région d'Île-de-France. Ah oui, la future, oui, c'est fini. Puisque mais... monsieur François Hollande a décidé apparemment je suis de... je... Alors, je... Si de, mettre, faut... de mettre la Picardie avec l'Île-de-France. Je manifeste contre ça. On n'insulte pas le Grand Paris. Paris, ouais. C'est capitale du monde. Voilà, puisqu'on va coller la Picardie à Paris. On ira leur demander, tiens, au Picardie le 7 février. Bon, Hélène, alors, toi t'appelles de Fontainebleau et tu voulais nous... tu voulais donner peut-être un conseil à Didi qui est toujours avec nous. Didi du Finistère, t'es là? Ouais, ouais. Bon, toujours à Brest et qui a du mal à s'y prendre avec les filles, il a peur de se prendre des vents. Alors, Hélène, quelle est la recette miracle pour arriver à vous draguer? Bah, à vrai dire, moi, c'est ce que j'aimerais, parce que c'est vrai qu'en général, quand un garçon me plaît, c'est plutôt moi qui y vais, il n'a pas le temps d'y aller. Donc, ah, c'est plutôt toi qui y vas directement, toi? Ouais, et en règle générale, quand c'est un garçon qui me plaît, c'est moi qui y vais, ouais. Alors, comment tu fais, Hélène? Ah ouais, tu fais comment, toi, du coup, Hélène? Eh ben, j'y vais, je lui demande si il me trouve mignonne, si elle est célibataire, et puis s'il aime les filles rentre dedans, et je l'embrasse. Allez, je marche dans la rue, là, vas-y. Bon, imaginons que Toff, que Polo, pardon. Non, toi, non. Ah, bah, je te remercie, d'accord, ok. Ah, bah, vas-y, Mike. Vas-y, merci, Hélène. Ah, bah, d'accord, ok. Ah, bah, le pauvre, tu nous l'as mis de mauvaise humeur. Il est vexé, il est triste. Bah oui, elle a c'est dit qu'elle ça. Prenait les devants, elle prend les devants. Hein. Ah bah là, oui, pour le coup, effectivement, elle prend les devants. Et ça, c'est une certitude. Bon, alors, du coup, on est où alors en train de marcher? Bah, enfin, je sais pas, moi, en général, c'était en pub que je faisais ça, donc. Ah, c'est pour être sûr que les mecs soient un peu déjà. Ouais, complètement bourras. D'accord, non, ok. Pas bon, du tout, déjà non, ouvert. Non, pas forcément. Non, bon, non. Alors attends, on est dans un pub. C'est pas une boîte de nuit, hein. C'est la différence avec. Ouais, un pub, c'est là où il y a plein d'Irlandais complètement torchés qui te racontent des trucs qui sont incapables de. Une boîte, les gens ils y vont, c'est pour niquer en général les célibataires. Bon, alors, on est dans un pub. Ça m'étonne pas, hein, que sa technique elle marche. Voilà. Musique irlandaise, tout ce que j'ai, je suis désolé. Hein. J'adore. Ça me rappelle l'Irlande. Voilà, donc on est dans un pub. Dans la gueule à toi. On est dans un pub avec la musique irlandaise. Désolé pour la musique irlandaise. Je sais que dans bon, les pubs, il n'y a pas ça forcément, mais bon. Donc, là, il y a 15 mecs en kilt au bar. Voilà, c'est ça. Donc là, je suis en train de boire ma bière. Même si je déteste ça, mais c'est pas grave. Bah, je sais pas, je viens. Ouais, salut, ça va. C'est sympa ici, non? Ouais, c'est super, ouais. Mais serre-moi une pâte là! Je suis pas dans l'ambiance quoi! Ah, t'es pas dans l'ambiance! Si, attends, regarde, il y a des gens, il y a des autres. Voilà, j'engage la conversation. N'explique pas, fais! Ouais. Fais! Puisque je suis pas assez beau pour toi, tu viens depuis longtemps? Ben ouais, je suis déjà venu 3 fois et toi? Ah bon? C'est bizarre, t'es jamais vu, je suis ici tous les soirs. Ah ouais, bah écoute, je sais pas, moi, on s'est peut-être pas vu, je sais pas. Ouais! Tu veux que je fume une clope? Ah non, je fume pas, non. Ah non, désolé, non. Et puis, alors, tu étais parti sur un mauvais truc parce que je déteste ça. Mais... Pourquoi tu fumes, toi? Écorce-toi. Alors, si tu lui avais proposé de lui fumer le cigare. Comme ça, en plus, à froid, je vais pas y arriver. Ah bah oui, mais bon. Il faut qu'il y ait le visuel aussi. C'est pas un sport. Hein. Tout ça. Mais là, au final, c'est moi qui suis le plus emmerdé parce que toi, tu vois à quoi je ressemble. Toi, moi, je sais même pas à quoi tu ressembles. Donc, tu vois, c'est même plus compliqué pour moi. Mais attends, si c'est que ça le problème. Alors, Hélène, combien mesures-tu? Bah, c'est pour ça, c'est pas faisable comme ça. C'est au feeling. Ça se voit. En fait, c'est que du. Hélène, combien mesures-tu? 1m65 à peu près. Combien pèses-tu? Entre 56 kilos, je crois bien. Quel est ton tour de poitrine? J'aime bien le entre et puis après finalement c'est 56 toupies là quand même. Hein. Ouais. Bah ouais, non mais ouais, parce que c'est vraiment que je suis pas pesée. Ouais, ça y est, t'es un peu en froid avec ta balance, ouais. Ouais. Oui. Alors, quel est ton tour de poitrine? 95 C ou D, ça dépend des soutiens-gorge. Bah je prendrai D alors. Et la taille du dernier pantalon que tu as acheté? 40. Ah. On aura pu discuter. Hein. Je ne dis rien puisque je suis pas assez beau pour toi. Ouais, elle ne sait pas ce qu'elle perd. Pour ouais. Cette membre dur. Voilà. Bon, bah alors du coup, effectivement, on aurait pu discuter. Je ne l'ai jamais vu en fait. Ah, mais c'est mieux. Hein. Il vaut mieux là. Reste dans l'imagination là. Ouais, reste dans l'imagination. Voilà. Il reste dans l'imagination. Est-ce ouais, c'est une c'est question mieux. Quand même. Est-ce que tu t'es déjà pris des vents de ouf? Non. Jamais. Bah oui, 90D, t'es sérieuse là? Bah il y a des mecs qui aiment pas se faire draguer. Oui, mais bon. Non, mais parce qu'en fait, je fais pas du rentre dedans. je discute quoi. Enfin, non, parce que c'est pas ton but en même temps, c'est pas ton travail de rentrer dedans, si je puis me permettre. Oui, non, mais c'est vrai. C'est votre boulot. Bah, en, même temps, en même temps, un Irlandais bourré, ça dit jamais non. Non, oui, c'est ça, je pense également. Ouais. Même à une chèvre. Oui, exactement. Bon, alors non, attends, voilà, attends Hélène, il y a Aurélie également qu'on va prendre dans quelques minutes. T'es là, Aurélie? Oui. Comment ça va, Aurélie? Ça va et vous? Eh ben plutôt pas mal, Aurélie. Alors toi, tu vas expliquer à Didi dans quelques minutes comment est-ce que ne pas se prendre devant, ou est-ce que tu as d'autres conseils, ou c'est ouais, quoi? C'est des conseils. Après, bon, ça dépend de lui aussi. Pas Céline sale tête, mais bon après. Bon, alors attendez, on va faire dans quelques minutes Hélène et Aurélie un tour du propriétaire comme avec les filles, mais Tov va le faire avec un homme. Comme ça nous donnera plus une plus grande idée. Non, c'est pas Aurélie, non, parce que non, c'est pas Aurélie. On va le faire avec Didi, tiens, Didi. Oui. Bon, attends, il y a Tov qui doit te parler. Alors, Didi, combien mesures-tu? Ah ben, ça se dit. Combien pèses-tu? 53 kilos. 53. Donc ça fait, c'est quoi? C'est 60, c'est 63, c'est ça? 513 kilos. 53, waouh. 53, putain. Non, c'est du muscle. 90. Combien? 90. Ah, 90, d'accord. Ah oui, 90 kilos, et on est loin de 53. Hein. Alors, quelle est la taille de ton sexe? En érection, bien sûr. Calculé à partir de la base, pas des couilles. Hein. Quel gros porc. Je t'écoute. Ça fait encore plus pervers qu'on le fait ouais, un garçon. Ouais, c'est clair, ouais. C'est laid, vous êtes laid. Ouais, je sais. Bon, du coup, on n'a pas la réponse. Le membre, combien mesure le membre? Turgescent, le membre. En érection, bien entendu. Didi? Oui. Bon, combien il mesure? Le zboob, je sais pas comment t'appelles ça. Ta bite, elle mesure combien? T'as dit 2 mètres quand je bande. Oui, 2 mètres, il se la ramène. Tu vois, c'est ça le problème. C'est pour ça que les meufs, elles se barrent, parce que t'es toujours dans l'exagération. Voilà, les meufs préfèrent les mecs humbles. Ouais. L'humilité marche mieux que l'exagération. Fais-moi confiance, Didi. Bon, reste avec nous, du coup. Hélène et Aurélie, on va te reprendre. Ben également, enfin, on va vous reprendre plutôt. Et Ben, encore un coup avec la colle, avant de donner la réponse. Allô, Ben? Ouais, allô? Oui, allô. Bon, Ben, alors, on y va pour la colle une dernière fois avant de donner la réponse dans quelques minutes. Pour gagner l'iPad mini, on t'écoute. Je suis très vieux, mais pourtant si jeune. Je donne la vie, mais un jour je la reprendrai. Même si vous ne me voyez pas, je suis toujours là. Qui suis-je? Bon, il y a Lisa qui proposait de l'air. Non. Il y a Xav qui proposait une ombre sur Facebook. Non. Sylvain aussi sur le Facebook qui proposait une âme. L'âme donne la vie, non. Elle la reprend pour redonner la vie. Elle est invisible et pourtant tout le monde en a une. Non, c'est pas ça? Non. Bon, non. Floriane non. Qui proposait le temps, plein de bisous. Ben, gros bisous, Floriane. Bah non. L'oxygène. Non. Non, proposez l'âge, mais ça m'avait déjà dit non tout à l'heure. Bon, eh ben, si vous avez la bonne réponse, c'est dans 5 minutes que ça se passe. Facebook.com/MIKL officiel ou alors par SMS, MIKL est la réponse au 64 900 ou au 63 22 depuis la Belgique. Ben, tu restes avec nous, on donne la réponse dans un petit instant. Et puis on va également s'écouter maintenant sur Fun Radio. Un son que vous avez découvert cette semaine, évidemment. Le son de Shakira maintenant. Le nouveau son, Shakira et Rihanna, c'est Can't Remember to Forget You. On fera le canular aussi dans quelques minutes sur Fun. Shakira et Rihanna à l'instant sur Fun, le nouveau, hein, Can't Remember to Forget You. Il est minuit 2 sur Fun Radio. On va dans un instant terminer avec l'histoire de Didi là, qui sait pas trop s'y prendre avec les filles. Et avant ça, eh bien vous le savez, comme tous les soirs aux alentours de minuit, on a évidemment les teubés de la télé, bien entendu. Hein, c'est les plus mauvais qui sont passés à la télé. Soit parce qu'on l'a vu nous, soit parce que vous nous avez envoyé des moments en disant putain il s'est passé ça et c'est quand même assez scandaleux. Et est-ce que ça vous est déjà arrivé, justement de tomber sur une émission où il se passait quelque chose d'exceptionnel? Ça peut arriver. Souvent. Voilà, mais quand il se passe quelque chose de vraiment exceptionnel, il ne faut surtout pas hésiter à nous tenir au courant. Voilà, comme là, par exemple, hein, dans N'oubliez pas les paroles, il y a une candidate qui a une super idée pour dépenser ce qu'elle a gagné, en fait. Bah pourquoi on l'entend pas? Ah oui, c'est moi qui fais de la merde, autant pour moi. Si vous gagnez 20 000 euros, vous en faites quoi, vous? Si je gagne 20 000 euros, j'aimerais bien racheter une porte pour la maison de ma mère. Ah oui, mais oui. Oui. Bah, justement. Qu'est-ce que je vais faire avec 20 000 euros? Acheter une porte. Voilà, c'est tellement bien d'acheter une porte, dis donc. Elle a peut-être voulu dire Porsche. Oui, peut-être aussi, ça c'est possible, ouais. Bon, et puis dans mot de passe, on cherche un synonyme de gondole et on trouve. Gondole. Montgolfière, bien sûr, c'est normal. Voilà, tout à fait. Et puis dans 4 mariages pour une lune de miel, on a le nouveau David Guetta. Ce soir, on fout le bordel. Allez, bouge ton boule. Mon king. Bon, que ce soir c'est génial, attention c'est magnifique ce soir avec notre ami Paul Lointain qui se mettra en platine tout à l'heure. Oui, je vais mixer grave là. Ce sera Party Foon. Ouais, on est chaud, totalement chaud. Et... Oh mon dieu, quelle horreur, mais comment on peut faire ça? Bah, je trouve que ça se fait encore beaucoup. Hein. Ouais, je sais, malheureusement, ouais. Bon, allez, suite maintenant d'émission avec les appels de Toff qu'on fera tout à l'heure et puis avec Didi de retour. Le questionnaire de Florian, on va le prendre dans quelques minutes, promis Florian, bouge pas de là. La réponse à la colle de Ben et puis Aurélie qui est de retour également. Hein. Aurélie, t'es là? Oui, je suis là. Très bien, Aurélie qui donc voulait donner un conseil à Didi. Hein. Aurélie, on t'écoute. Didi qui ne sait pas comment s'y prendre avec les filles. Mais je sais pas, après, si il drague en boîte plutôt ou comme ça dans la vie de tous les jours, quoi. Bah, tu dragues plutôt où, Didi? En boîte, en rue, à l'école, au travail, c'est où? Bah, moi, je drague plutôt... Non, reprends le téléphone et coupe le haut-parleur, Didi, on ne comprend rien sinon. Voilà. Voilà. Dans la vie de tous les jours. Dans la vie de tous les jours, donc peu importe l'endroit, ça peut être le métro, le tram, le bus, le travail, à l'école, peu importe. Mais après, déjà, ça dépend comment il est, parce que si les filles le rejettent ou qu'il a peur, c'est peut-être qu'il n'est pas physiquement déjà... Non, c'est pas ça, parce qu'apparemment, le problème n'est pas tant qu'il sorte et qu'elle sorte avec lui, hein, c'est qu'elle se barre vite fait, en fait. Si elle se barre, c'est pour une raison. Oui, ça, c'est une certitude, effectivement, ouais. Mais t'aimes bien qu'on t'aborde comment, toi, Aurélie? Moi, je sais pas, j'aime bien que le gars vienne vers moi, qu'il essaye de parler, de me demander comment je m'appelle, mon âge, etc. Mais qu'on parle un peu de tout, de rien, voilà, de faire connaissance et puis de voir après si la personne correspond un peu, quoi. Bon, et est-ce que si on fait la solution d'Adèle qui disait première question, tu lui demandes comment tu t'appelles, ça correspond, tu t'aimes bien. Deuxième question, savoir si t'es célibataire. Ça fait partie de la rencontre. Et troisième question, est-ce que t'aimes bien les mecs imprévisibles? Mais après, la troisième question, elle est un peu con, quoi. Non, parce que si tu réponds oui, il trouve la patate, quoi. Ben non, en même temps non, parce que direct le gars il me fait ça, il prend une gifle, quoi. Ah ça y est, tu vois Toff, hein. C'est ça, mec, hein. Ouais, on devrait essayer. Je suis sûr qu'avec Toff on peut se marrer, hein. Mais en même temps, de toute façon, le gars il t'aborde, il demande ton nom, ton âge, si t'es célibataire, etc. Je pense que c'est vraiment les demandes de base, quoi. Après qu'il t'embrasse direct comme ça, alors que il a juste demandé ça, enfin voilà, ça le fait pas, quoi. Ouais, on est d'accord. Jonathan, encore un truc à ajouter? Oui, déjà parti, donc il a non, il s'en fout, eu un truc à ajouter. Ouais. Hélène, encore un truc à ajouter? Ou Didi, encore une question à poser? Oui, lui, de toute façon, il est à chaque fois à 15 km du téléphone. Donc, alors Hélène, vas-y. Moi, je dirais, oui, c'est une question de dosage, en fait, et de charisme. Si le gars, il dégage quelque chose, il faut qu'il ait de l'assurance. Mais après, c'est une question de dosage aussi. Il faut pas qu'il soit non plus... MMA, ça marche ou pas? Et non, pour l'assurance, non, c'est MMA, c'est bon. Non, c'était une vanne de merde, mais bon, c'est pas grave. Soit. Faut pas qu'il fasse le gars non plus trop sûr de lui, machin, mais faut qu'il dégage quelque chose, quoi. Il va surtout se faire dégager, à mon avis, hein, mais bon, après, c'est un autre problème. Mais voilà, quoi, pas forcément poser. Oui, forcément, la technique d'Adèle, elle est bien, mais voilà, en boîte de nuit, quand les nanas, elles ont bien picolé déjà, et qu'elles ont envie simplement d'un soir. D'accord. Ça va bien. Mais tu fais ça, une nanette, enfin, personnellement, il me fait ça à moi dans la rue, ouais, il finit castré, quoi. C'est bon ça. Très bien. Bon, et merci. Ça dépend à quoi il ressemble aussi. Oui, aussi, oui. Merci les filles, alors Hélène et Aurélie. Hein. Attends, est-ce que mon cousin peut te parler 2 minutes? Oui, qu'est-ce qu'il veut? Je vais te le passer. D'accord, c'est pour gratter quelque chose, il l'aura pas, hein, je te le dis direct. Si, il peut se gratter le cul. Oui, aussi, oui. Comment va le cousin? Comment il s'appelle le cousin? Il s'appelle Shada. Salut, comment ça va? Ça va, tranquillement. Bon, qu'est-ce qui t'amène? Alors, moi en fait, tu me ferais énormément plaisir. En fait, ouais. Si tu préfères, moi je suis humoriste sur la région de Bordeaux. Ouais. En fait, donc je peux donner mon avis et en même temps faire un peu de promo parce que ça m'aiderait vraiment vraiment beaucoup. Donc en fait, parce que moi aussi j'ai besoin de quelques conseils en même temps. Ouais, pourquoi faire comme ça? Parce que ils me regardent tous aussi, ils veulent pas de moi. Quoi, les meufs? Ben, ça tombe bien, tu peux demander à Aurélie, hein, ta cousine, elle a plein de conseils. Ouais, mais bon, c'est pas pareil de venir, c'est pas pareil. Bah, tu veux, tu peux essayer avec Hélène, hein. Allez. Hélène. Non, mais juste me faire passer une petite minute, quoi, juste que je puisse dire... Bah, tu viens de la gaspiller déjà ta minute, là. Non, mais voilà, le problème, c'est que on sait même pas pourquoi tu voulais nous parler. Est-ce que tu parles du spectacle, en même temps, t'es humoriste, en même temps, tu veux draguer. Mais, oui, mais, en fait, mais quand je te propose de draguer, tu veux parler d'autre chose, donc... Bah si, bah on va choper, y a pas de souci. Hein. Eh bah très bien. Bon alors attends, bouge pas, le cousin là. Hélène, reste avec nous du coup un petit peu. Et puis bah Didi. Oui. Bon bah Didi, bah écoute, reste plus qu'à foncer. De toute façon, oublie que t'as aucune chance et fonce, hein, c'est pas grave. Hein. Ouais. Bah oui, mais y a que ça à faire, mec. Y a que ça à faire. Et surtout, quand tu vas draguer, vire tes potes. C'est le meilleur moyen pour sa foire. Ouais, j'ai toujours des potes avec moi. Mais justement, bah, c'est ce que je viens de te dire. C'est le meilleur moyen que ça foire, c'est d'avoir les potes à côté qui vont commencer à parler, à rigoler, t'es mort. Bah, après, tu fais comme tu veux, hein. C'est un conseil que je te donne comme ça. Tu en fais ce que tu veux, Didi. Bon, tiens-moi au courant en tout cas, la prochaine soirée où tu vas draguer, tu nous dis comment ça s'est passé, d'accord? Bah ouais. Bon, allez, salut Didi. Salut. Ciao à toi, Didi, à bientôt. Et embrasse tous tes potes aussi qui sont derrière là. Bon, alors du coup, le cousin, est-ce qu'il est là, le cousin? Ouais, il est là. Bon, avant de se faire le canular et avant de s'écouter le son de Tony Junior, eh ben, je te présente Hélène, Aurélie, Hélène, le cousin, Hélène. Salut Hélène. Chanté. Il s'appelle comment, le cousin, déjà? Shazam, je t'invite à boire un verre quand, Hélène? Bah, c'est comme Shazam, l'application, c'est comme Shazam, mais sans le M. Oh. Voilà. Shazam? Oui, c'est... non. Shazam. Comme l'application, c'est lui qui trouve les chansons. Tu voilà. Lui fais écouter un truc, il va te dire ce que c'est. C'est comme Shazam, mais moi, sans le M. Mais moi, si tu préfères, je suis Shazam sans le M, parce qu'en fait, je suis donneur de sentiments, mais pas de chansons. Ouais, désolé. Je comprends que ça marche pas avec les meufs. Eh ben voilà, le cousin qui nous a fait une belle démonstration de ce qu'il ne fallait pas faire. Et Dieu sait qu'Hélène a l'air plutôt ouverte, hein. Ah ben oui, ça, toutes les filles sont ouvertes. Hein. Ouais, mais là... Tu vas te détendre. Hein. Non, mais le cousin... Attends, tu m'entends? Oui, on t'entend très bien. Ouais. Est-ce que je peux te lancer juste un petit défi? Parce qu'il paraît que votre radio, c'est de la bombe. Il n'y a pas plus classé. Est-ce que tu me permets de lancer un petit défi? Soit tu acceptes, soit tu refuses. Bah vas-y. Alors le petit défi, c'est que, comme je te le disais, en même temps, je fais ma pub, t'as vu. Hein. Je suis humoriste sur la région de Bordeaux. Et le défi, c'est qu'il y ait le plus de personnes possible qui aillent liker ma page et qui marquent dessus, entendu sur Fun Radio. Et est-ce qu'il y aura du monde ou pas? Et je te rappelle en fin de semaine pour savoir si ça a marché. À mon avis, non. Non. Non. Non, il a un petit côté précieux dans la voix, je trouve. Non, mais attends, je suis précieuse, chérie, quoi. Allô. Ah, elle est précieuse, d'accord. Bah, si tu veux, tu peux essayer de draguer Toff, hein. Bien sûr. Non, je tape pas dans ça, quand même. Non. Ouais, pourquoi pas. À voir. Bon, allez, fais péter la page, quand même, vite fait, là. Comme ça, les gens peuvent aller voir. Vas-y. Alors, Shaza FMM, page officielle, donc S-H-A-Z-A, plus loin, S-M-M. SMM, voilà, Shaza, MSMM, voilà, très bien. Yes. Bon, bah, le message est passé en tout cas, bonne chance pour la suite. Merci. À Bordeaux, salut à toi le cousin. Allez, et puis gros bisous Hélène, je t'embrasse. Bisous tout le monde, salut. Un petit pas de fun. Eh bah, avec plaisir, on va t'envoyer ça, tu vas retourner chez Sandro Standard. Salut Hélène. Merci, bisous. Ciao, à bientôt Hélène. Et puis on va donner la réponse également à la colle. Maintenant, c'est avec Ben. Allô Ben. Bonsoir. Bah rebonsoir Ben. Alors c'est parti, on y va, on va y aller là pour. Ça va. Oh la merde, on va y aller pour la colle. Qu'est-ce que je fous avec mes boutons? Moi je fais n'importe quoi. Voilà, ça y est, c'est parti. Alors, nous allons faire la colle du coup Ben. La colle c'est quoi la colle? Répète-la s'il te plaît. Je suis très vieux mais pourtant si jeune. Je donne la vie mais un jour je la reprendrai. Même si vous ne me voyez pas, je suis toujours là. Qui suis-je? Bon, on appelle maintenant le gagnant ou la gagnante. C'est parti, si la personne qu'on appelle décroche et a la bonne réponse, tu perds, elle gagne. Si jamais ça ne décroche pas, c'est toi qui gagne. D'accord? D'accord Ben? Ouais, ok. Bon, très bien, moi j'ai cru que t'étais parti. Allez, c'est parti, c'est on y croit. Décroche pas. Deuxième, troisième sonnerie. Allô, bonjour, comment tu t'appelles? Jérémy. Salut Jérémy, c'est Mickaël, t'es en direct à la radio sur Fun Radio. Je t'appelle parce que Ben a une colle à te poser. Ben qui va reposer sa colle immédiatement. Je suis très vieux, mais pourtant si jeune. Je donne la vie, mais un jour je la reprendrai. Même si vous ne me voyez pas, je suis toujours là. Qui suis-je? Alors, Jérémy. Alors, moi j'avais dit le soleil. Le soleil, Ben. Réponse. C'est la bonne réponse? Je peux changer ma réponse? Ah non, tu pourrais, mais non. Eh ben voilà, une bonne chose de fait, tiens. Bon, surtout pour Jérém, hein, parce que lui, le pauvre Ben, là, il a attendu pendant une heure et au final, que dalle. Oh, ça arrive même au meilleur, la preuve. Bon, c'est ça pas grave. Ça fait quand même mieux d'expliquer le truc aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens là qui appellent ça un fake et qui comprennent pas le principe de la colle, en fait. C'est-à-dire? Mais c'est-à-dire que, bon, très vieux parce que le soleil il y a des milliards d'années, mais jeune parce que c'est une jeune étoile. Il donne la vie parce que sans soleil, pas de vie, mais un jour, il va nous éclater la gueule et on va tous être morts. Exactement. Et puis, de toute façon, si on ne le voit pas, ou bien il est de l'autre côté, ou bien il est planqué derrière les nuages. Voilà, donc, exactement. C'est... Mais c'est bien d'avoir expliqué, Ben, effectivement, t'as raison. Bon, ben, merci Ben quand même. On va comme te filer un petit pack fun, hein, sur ça de prix. Tu vas gérer ça avec Sandro au standard, d'accord? Ok, pas de problème. Ça roule. Salut Ben, à bientôt. Et merci à toi d'écouter Fun. Et puis, bah, Jérém, bravo à toi aussi. Hein, l'iPad mini est pour toi, comme promis. Et puis, bah, tu reviens quand tu veux. À bientôt, Jérém. Oui, l'équipe, vous déchirez, merci. C'est gentil, Jérém. Ciao à toi. Bon, allez, restez sur Fun Radio. On va se caler le son. On se le cale maintenant. Tiens, le Tony Junior avec Twerk Anthem. Et juste après, ce sera le canular du jeudi soir. Avec encore un iPad mini également à gagner ce soir. Il est minuit 14. C'est Mickaël No Limit. Il y a Réo Hugo qui dit on aimerait quand même 2-3 nouvelles pour Toff et sa croix. Ah oui, c'est vrai, on va vous en donner dans quelques minutes. Si toutefois nouvelle il y a, bien entendu. Allez, bonne nuit tout le monde, c'est Mickaël No Limit. On est en direct jusqu'à 2h sur Fun Radio. Le son de Tony Junior sur Fun Radio. Il est minuit 8-7, on est au cœur de la nuit sans pub. Il y a Quentin qui dit je suis Picard. Honte à Polo qui se croit supérieur parce qu'il habite à Paris. Et surtout à la Picardie. Mais oh, mais il dit ça pour rigoler, en plus mais il habite même pas à Paris. Camille qui dit vous êtes moche mais je vous aime quand même. Merci Camille. Camille avec un cas, c'est une autre qui dit en boîte je supporte pas les mecs qui s'incrustent direct quand tu danses avec tes potes. Ah oui, ça c'est relou. Et le Divine qui dit moi je trouve que Toff a son charme. Oui, c'est une manière polie de dire qu'il est laid. Ouais, c'est ça. Et Cookie aussi sur le Twitter qui dit depuis août vous me vendez du rêve, je vous aime toute l'équipe. Merci Cookie. Ariel également, 2000 Levato n'est pas mal mais ça ne vaut pas Toff sur une barre. Je te remercie. Sincèrement, je préfère 2000 Levato. Hein. Ah, oui, et oui. Journals qui dit aussi Mickaël, t'es beau, ta voix, t'es parfait, viens dans l'heure, il pleut mais on t'aime. Oh, c'est gentil, Journals. Et Skin Charabi qui dit j'ai vu la vidéo de Toff où vous vendez du rêve, bisous à toute l'équipe. Je suis pas sûr que ce soit vraiment le terme approprié à la vidéo de Toff en train de faire du pole dance qu'on a posté cet après-midi. Surtout mais la fin, surtout la fin avec JB, c'est là qu'on vend le plus de rêves. Ah bah oui, là c'est sûr. Hein. Donc si vous voulez aller voir la vidéo, là c'est sur Facebook, c'est gratuit évidemment, facebook.com/mickaëlofficiel. Il y a Orgagasmi qui dit moi j'aime bien que le gars fasse le premier pas mais pas en tournant autour du pot, il faut qu'il soit direct. Ah bah ça dépend, il y en a qui aiment bien le direct, il y en a qui aiment pas, je sais pas. Bon, on va faire le canular dans quelques minutes avec Guillaume. Et puis j'ai une petite question aussi, est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous tromper de prénom est-ce que ça vous a mis dans la merde du coup hein? Non, dans l'émission on a un grand spécialiste hein, qui est Polo pour ne pas le citer, qui se trompe tout le temps. C'est un truc de ouf quand même. À chaque fois qu'il est avec une meuf, il faut toujours qu'il se trompe de prénom. Quand je dis il est avec, c'est pas forcément sa meuf, mais il y a une fille qui vient nous voir, qui vient plusieurs fois, ou qu'on connaît, etc. Il va l'appeler un jour, j'en sais rien moi, Charlotte, un jour il va l'appeler Cécile, mais attention, Céline. Il se trompe jamais de lettre. La première lettre est toujours la bonne. Ouais, c'est le reste. Mais c'est après que ça part en sucette. Donc non, c'est un peu très, merdant, c'est quoi. Très drôle parce qu'après on lui fait des vannes, c'est-à-dire qu'en gros on lui donne jamais les bons prénoms. Ouais, c'est ça, ouais. Alors du coup, forcément, ça le fout dans la merde. Toff, je suis sûr que c'était déjà arrivé aussi. Moi, ça m'est arrivé de pas reconnaître une meuf. C'est encore pire. C'est-à-dire que j'étais dans une soirée. Enfin, donc je drague une meuf, machin, je sors avec, je la pécho et tout, on va chez elle. Et genre 2 mois après, je reviens dans la même boîte, il y a la même meuf, sauf que je la reconnais pas. Oh là là, mais comment tu peux oublier une meuf avec qui t'as couché? Enfin, oui, tu me diras. Non mais oui, c'est un peu comme moi, tu sais, je me souviens pas forcément de tout ce que je mange tous les jours. Ouais, voilà, bah c'est ça, ouais, c'est ça. Bon, bah venez nous dire si ça vous est déjà arrivé. Moi ça m'arrive, pas forcément avec les filles. Enfin, moi ça m'arrive avec tout le monde en fait. J'ai une mémoire de poisson rouge. Et donc ça m'est déjà arrivé de recevoir des gens à la radio. Mais même à l'époque, hein, on a déjà reçu, il y a des années, des invités, des chanteurs, etc. Et puis bah le lendemain, on recroisait le mec ailleurs. Et il disait, ah salut Mickaël, ça va? Ouais, super. Et toi, c'est qui? Bah, on l'a reçu hier en fait. On l'a reçu dans l'émission hier. Ah oui, c'est vrai, pardon. Enfin, moi j'ai oublié. Bon, bah dites-nous si ça vous a déjà mis dans la merde d'oublier des prénoms. Venez nous en parler. Appelez-nous 01 42 48 5000 02 851 4x0. Vous êtes évidemment les bienvenus. Et puis, là on va se faire le canular ce soir à minuit 20. C'est parti. Et c'est Guillaume qui est avec nous maintenant là. Comment ça va, Guillaume? Salut. Comment ça va? Bien, et toi? Bon, écoute, plutôt pas mal, tranquillement, Guillaume. Bon, alors, tu nous appelles pour faire un petit canular. Quel est le thème? Qu'est-ce que tu veux faire? À qui tu veux le faire? Pourquoi tu veux le faire? Bref, explique-nous tout. En fait, je voudrais le faire à mon oncle, en fait, parce qu'en fait, avant les vacances de Noël, il m'a fait quelques vannes et je voudrais me venger, mais me venger gentiment. De venger gentiment, alors c'est-à-dire? Bon, déjà, qu'est-ce qui t'a fait comme van et qu'est-ce que tu veux faire? Bah en fait, qu'est-ce qu'il m'a fait quand même ? Il m'a fait croire qu'il était parti au Maroc et qu'il était parti, qu'il volait avec dans une fusée, et moi j'y ai cru. Et après il m'a fait croire. Tu crois vraiment n'importe quoi aussi, hein ? Bah, c'est bien parce que si c'est la même famille que toi, pour le coup ça va être tellement facile. Mais non mais attends, comment ça il est parti dans une fusée ? Bah en fait c'était passé à la télé apparemment après. Ah bon ? Oui. D'accord, on n'a pas la même télé alors, on n'a pas les mêmes chaînes, mais c'est pas grave, hein, continuons donc. Et alors ? Bah et en fait après j'y ai cru et il m'a dit la vérité qu'il était là quoi. D'accord. Bon. Ouais, il s'est foutu de ta gueule quoi. Ouais, il s'est foutu de ta gueule. Bon, très bien. Alors, et toi tu veux faire quoi ? Bah en fait je voudrais lui faire croire que je me suis fait prendre en otage par plusieurs personnes et que bah je pour l'instant je pourrais pas revenir avant quelques mois. D'accord, ok, très bien. Après, vu que lui il avait déjà fait ce coup-là, c'est un peu con parce que si on fait la même chose, il va se rendre compte que c'est pipoté. Bah ce qu'il faut faire c'est qu'à la limite toi tu dis que tu as pris en otage quelqu'un. D'accord. Voilà, on verra bien. Comment il s'appelle ton oncle ? Sylvain. Ok, d'accord, très bien. Eh ben écoute, tu vas l'appeler, donc on fait croire que tu es dans une épicerie pas loin du truc. Nous, on est des clients. Non, à la limite, on va faire mieux. Moi, je vais dire que je suis un pote à toi et que je t'ai engrainé pour le faire. D'accord. Qu'en fait, l'idée vient de moi et que toi, tu te retrouves comme un con là dans l'histoire et que bah du coup, tu l'appelles parce que tu sais pas quoi faire. Est-ce que tu dois appeler les flics et comment tu dois sortir de là, quoi. D'accord ? Ouais, exactement. Bon, écoute, on va plutôt faire ça comme ça. C'est parti, t'offres sera le client. Hein. Bien sûr. Voilà, c'est ça. Au secours ! Voilà, bah, quel grand talent d'acteur. On va être parfait. Bon, c'est parti, on y va, on l'appelle. Allez, bonne chance, Guillaume. Oh putain. Oui, allô ? Allô, Sylvain ? Oui, c'est Guillaume. Oui, c'est Guitou. Ça va ? Ça va et toi ? Ouais, ouais, ouais. Et par contre, je vais pas rester trop longtemps parce qu'on vient de rentrer court. D'accord. Mathieu, t'appelles avec quel téléphone, là ? Bah, en fait, j'ai un petit problème, en fait. Hein ? J'ai un petit problème, en fait. C'est quoi le problème ? Je pense que là ça va être compliqué de le faire, lequel là. Le mec rigole alors. Pris des gars en otage. Oui, il rigole. Ah, t'as pris des gars en otage. Oui, et bah, faut pas que tu les laisses, hein, tu les laisses pas partir. Hein. Bah, le problème c'est que je peux pas parce qu'il y a plusieurs personnes en fait, on est au moins 4 ou 5. Si vous voulez faire un canular, on le fait après, le vrai. Hein. Bah, faut que t'arrives à les gérer maintenant. Ah, bah alors là. Et je sais pas bon, attendez, on va quand même rigoler un peu. C'est pour ça que je t'appelais en fait. T'as pas un flingue ? Bah je sais pas, comment faire en fait. À mon avis tu les attaches, tu les laisses dans un coin, tu les laisses pourrir. Parce que moi ça fait 2-3 jours que je suis là-bas en fait et le problème c'est que voilà il. 2-3 Oh là là enfin on m'a confié une mission en fait. Mais oh là voilà, là c'est... Où est-ce qu'on est ? Il s'est pris pour un agent secret. Ah ça c'est une belle mission ça. James Bond. Il a été pris en otage dans un magasin. Bah, il me dit qu'il était pris en otage dans un magasin, ouais. Ah, mais non, c'est lui qui a été pris en otage. Il a, en fait, il n'y en a ni l'un ni l'autre qui comprend quelque chose. Tu veux qu'on appelle les filles ? Non. Voilà, qu'est-ce qu'il dit ? C'est qui est avec toi ? Bah, c'est le gars qui est avec moi, en fait. Ok, bah, mets-lui du scotch sur la bouche. Bah, je peux pas, parce que j'ai les manettes et. Oh, les c'est compliqué, quoi. Attention, ah ouais, donnez votre avis hein, sur une échelle de 1 à 10. Combien vous lui mettez ? Ah, moi, je mets 12, ça a l'air qu'il est tellement surréaliste. C'est Alfred, bah, passe-moi Alfred alors. Ah, bah, je suis Alfred et maintenant. Qui c'est qui est en otage ? C'est Alfred ou c'est toi ? Non, c'est moi qui en otage. Oh putain, il a répondu. Ah, c'est toi qui en otage. Alors, c'est pas cool, je vais les servir. Oh, il a rien compris. Il n'a rien compris. Mais n'est-ce pas le plus mauvais joueur ? Attendez. Allô ? Oui ? Allô ? C'est Alfred ? Ah, c'est Jean-Marie, là. Comment ? C'est Jean-Marie, là. Jean-Marie ? Ouais. Comment ça va ? Bah, bien, toi ? Bah oui, dis donc, il va falloir venir délivrer l'otage. Ah ouais, d'accord, ok. Tu me donnes combien ? Ah bah je sais pas moi, je te donne un Mars. Ah ouais, et puis tu veux pas un bounty non plus ? Ouais, si tu veux, ouais. Bon allez, je t'échange ton neveu là contre un Mars et un bounty. Ah non, tu me donnes des sous avec. Allez, fais un effort. Bah non, je peux pas. Bon, allez, juste un Mars alors. Hein? De quoi? Tu combien sur ton compte? Ouais, bon. T'as combien sur ton compte? Oh, je sais pas, il doit y avoir 20 euros. Ah ouais, bon, bah ça va. Ça bah va. Quoi, mais en même temps, c'est pas moi qui dois payer, hein? Ah bah non, mais attends, tu me fais un sacré cadeau, en plus, il faut que je te donne un Mars. Bah oui, mais bon, quand même. Ah, t'as sonné? Bah oui, quelqu'un a sonné, effectivement, oui. C'est le plombier. Oh, salut! C'est Roger. Comment ça va? Ça va? Ça va? Bien, et toi? Bah très bien. Bah ça je va. Je te présente la famille de l'otage. Ah, allô? Oui, allô. Vous êtes la famille de l'otage? Bah ça dépend, quel otage? Bah je sais pas. Bah je connais pas d'otage, moi. Ah bon, parce que je pensais qu'il y avait un otage dans la pièce et donc que vous étiez la famille de l'otage. Ah d'accord, non, pas du tout. Ah bon. Parce que... Mais un coup, tu es reparti, là? Alphonse? Oui. Ah non, c'est moi. Ah pardon, oui, je vous le passe. Oui, allô? Oui. Merde, Alphonse, planquez-vous. La police. Tu connais? Monsieur tu le commissaire. Oui. Je suis le commissaire. Allô? Allô? Ah merde. Le commissaire Guillaume. La brute. Eh hey, Guillaume. Oh ah, merde. J'ai pas pu jouer, moi. Ah ben non, mais non. Oh. Ils sont partis, Guillaume. Ah putain, pourtant, on le tenait bien, là, le canular. Attends, on peut rappeler juste? Je veux me faire un kiff. D'accord, alors attends, on va le rappeler. On est bon là, Guillaume, on est pas mal. Hein. Ouais, grave. On est grave. Pas mal. Grave. Je fais juste un truc et je raccroche. Hein. D'accord, vas-y. Faut que décroche. Ils ont coupé le téléphone. Pour SFR vous informe que le numéro demandé n'est pas attribué. Ah ah, ils ont buté les deux. Voilà, c'est bon. Là, il a refait, c'est bon, il est content. J'ai pas pu faire l'inspecteur la brute. Ah bah non, mais tant pis, écoute. Bon bah, et Guillaume. Oui. Bon bah, malheureusement, on aura pas réussi, hein, c'est pas grave. Hein. Oui. Bah, tant pis. Une prochaine fois, hein. Oui, oui. Bon, allez, salut Guillaume. Hein. Salut. Ciao. Merci. Ciao. Oh là là là là, oh là, pardon, là. Excusez-moi. Oh, c'était dur quand même là. Il y a Benoît qui dit mort de rire. Je suis mort de rire. Donc ça veut dire que vous en marrez plus quand on rate. Enfin, en même temps, on l'a pas raté nous. Hein. C'est-à-dire que quand même, quand on dit à Guillaume le dit, ouais bon alors tu vas jouer l'otage. Ouais, ok, alors en fait c'est moi qui ai pris l'otage. Mais non, c'est moi qui suis pris l'otage. Et ça fait 3 jours que je suis dans l'épicerie. On m'a envoyé pour une mission, tu sais, dans l'épicerie. Ouais, bah va chercher un paquet de beurre. Tu mais vois, ce qui est drôle, c'est qu'il était tout fier en plus. Oh là là, oui, c'est ça. Bon, Valentin qui dit, il faut lui offrir une corde au gars, tabouret, puis il faut le pousser. C'est quoi cette famille? Il y a Florian qui dit, quel massacre à bord de rire. C'est franchement, heureusement que vous êtes là pour rattraper le coup. On a fait ce qu'on a pu. Hein. Serge qui dit aussi, mais qu'est-ce qu'il est mauvais ce canular. Pitoyable n'est pas digne de pitié. Benoît qui dit, mort de rire, je suis mort de rire. Camille avec Aka, en fait, c'est drôle. Ouais, mais en fait, on s'est rendu compte que. Bon, on se marrait quand même pas mal. On vous avait demandé d'ailleurs une note sur une échelle de moins 10 à moins 1. Oui, moins 20. Voilà, bah non, c'est pas possible. Florian qui dit quel massacre, je mets moins 10, mort de rire, c'est franchement heureusement que vous êtes là. Il y a Eva qui dit le plus mauvais canular de l'histoire de Mickaël No Limit. En fait, faites-en un autre, moi qui voulais me marrer. Ah bah on s'est marré quand même là, attention. Ah oui, oh là, ah, quand même. Mais c'est, oui, oui, alors, c'est pas, on a eu pitié quoi. Bah c'est ça, et Valentin qui était sérieux, tu vas en refaire un quand même. Bah oui, oui, si vous voulez en refaire un, vous m'appelez maintenant là, 01 42 48 5000. Camille avec un cas qui dit moins 23,5. Oh, vous êtes dur là quand même. Zéro, sérieux, c'est à chier, faut qu'il se sorte les doigts du cul et se mette dans le jeu, c'est Ada. 0,5 pour Priscilla, il y a Gink qui dit une échelle de 1 à 10, je lui mets dans la gueule. Christy qui dit il a rien pigé le gars, je lui mets moins 100 000. Qu'est-ce qu'il y a Diline aussi qui dit moins 10, c'était à chier. Il y a Benoît qui dit je lui mettrais 1 et encore je suis gentil. Ah oui, je te confirme, ah oui, c'est le plus gentil d'ailleurs. Ah bah ouais. Margot qui proposait 6 sur 20, ah ouais quand même. Orgagasmic qui dit mais moins 10, Ariel qui dit il a trop maté d'Eric, ça doit être le canular le plus pourri de l'histoire, c'est Orgagasmic aussi. Et Réo Hugo qui dit ou qu'il est pas bon là, c'est laborieux. Ah oui, on a galéré. Bon, on va en faire un dans quelques minutes, si vous voulez en faire un avec nous. Un canular 01 42 48 5000 02 851 4x0. Venez nous dire si vous êtes déjà trompé de prénom avec votre copain ou votre copine et comment ça s'est passé d'ailleurs. On aura David aussi dans quelques minutes et puis on va se faire le son de Pharrell Williams tout de suite. C'est Happy sur Fun Radio, on fera les appels de Toff juste après sur Fun. Pharrell Williams sur Fun Radio avec Happy. Et bonne nouvelle, il y a Mathieu qui va faire un petit canular dans quelques minutes. Donc ah. J'espère que... Oh non, il peut difficilement être moins bon que le premier. On a touché un truc là. Là, je pense qu'on a quand même touché un truc, ce qu'on appelle le fond. Donc, on va refaire ça dans un instant. Il y a Jérémy qui dit faites-en un autre, même s'il était marrant. Échelle 4 à 7 sur 10. Ouais. Camille qui dit moi, je suis comme Polo, j'ai pas la mémoire des prénoms. Bah, comme moi aussi d'ailleurs. Fabienne qui dit oublie un prénom, montre le grand intérêt qu'on porte à la personne. Mais non, figure-toi, même pas. Alors, il y en a évidemment, c'est le cas. Moi, pour le coup, c'est pas du tout ça. C'est juste que j'ai pas de mémoire. Mais moi, ça dépend de la meuf en fait. Ouais, non, mais voilà, c'est ça, ça dépend. Si c'est mais, une bombe de meuf, je m'en souviendrai. Sans blague. Pas. Mais moi, même ça, je peux l'oublier, tu vois. Ah non, non. Ah si, si, moi, ouais. Mais c'était pas des bombes, les meufs dont j'ai oublié le prénom. Jean-Luc qui dit je vais à la radio, pipetov dans le mois à venir, dans les chiottes de fun, si ce message est diffusé en direct. Ben voilà, Jean-Luc. Hein, bah, je t'attends, Jean-Luc. Tu sais ce qu'il se reste à faire. Je t'attends, Jean-Luc. Fais pas le malin, parce que s'il arrive, tu vas te dessaper pour qu'il te suce dans les chiottes. Mais il le fera pas. Et s'il le fait? Bah, il le fait. Oh, mais quel porc! Mais c'est pas possible! Ah, c'est qu'une bite! Il y a Tom qui dit ah là là, Tof, tu nous vends du rêve avec la pole dance, la vidéo sur Facebook. Marine qui dit pour moi, il faut que ce soit cool, une petite blague qui fait rire pour la drague. Et puis Charles-Henri qui dit après le sondage, il s'avère que Tof, considéré comme le plus moche de votre équipe, gagne le challenge de beauté face à Polo. Faudra changer la tête de Turc. Donc, pour confirmer mon sondage, je te propose de faire le sondage à grande échelle. Après Sauver Willy, sauvons Tof. Merci. C'est merci. Une idée également, pourquoi pas. Tiens, en parlant de sondage, je rappelle qu'on est toujours tombé sur ce magnifique sondage. C'est vrai. Qui, bah, vous savez, c'est bientôt les examens pour certains, certaines, etc. Oui. Et donc, du coup, bah, forcément, il y a des gens qui ont des problèmes de mémoire. D'ailleurs, Polo qui a ce problème avec les prénoms, peut-être que ça pourrait être une solution. Tu vois, si tu veux, je peux t'aider, Polo. Parce que je rappelle qu'on a, on garde. Est-ce que tu veux vraiment un point dans la gueule? On a une meilleure mémoire. On a une meilleure mémoire apparemment quand on avale. C'est le truc. Alors, je vais réexpliquer l'affaire. C'est que parfois, en fait, elles ont toutes le même prénom. Elles s'appellent Cécile, Céline ou Camille. Et quand c'est ça, et en fait, moi, je me trompe sur les trois. Ah oui. Ouais, mais si elle s'appelait Charlotte. Charlotte ou Sandra, je sais qu'elle s'appelle Sandra. Ou pas. Mais si. Je me suis jamais trompé. Encore heureux. Non, des fois, il m'appelait petit PD. Hein. Oui, ça aussi, mais ça, c'est un autre problème. Bon, on va donc appeler maintenant ce numéro dans le Nord, apparemment, qui nous a été envoyé sur le mail de Tof, là, toph@funradio.fr. Et donc, apparemment, donc, le fait de d'avaler quand on est une fille, ou même quand on est un mec, est bon pour la mémoire. C'est une étude qui a été faite, sérieuse, sur je sais plus combien de filles, mais enfin, il y en avait beaucoup. Et donc, on appelle maintenant pour vérifier. Allons-y. Allez, c'est parti, on y va, on appelle, on va dans le Nord. Cool. Va te faire enculer, gros bâtard. Est-ce qu'on tombera sur la même? Je ne sais pas. Oui, allô? Oui, bonsoir, madame. Oui. Oui, bonsoir. Voilà, en fait, je vous appelais parce que je voulais savoir si vous avalez. Comment? Non, est-ce que vous avalez? Est-ce que j'avale? Oui. Pourquoi? Bah, pour savoir, madame. Attendez, vous êtes qui, là? Moi, je m'appelle Tof. Donc, Christophe, c'est qui? Non, bah, c'est moi, madame. Mais attendez, vous faites partie de quoi? Bah, je fais partie de rien. Vous me demandez comment je m'appelle, je vous dis comment je m'appelle. Mais j'avale quoi? Bah, quand vous pompez votre mari. Attendez, vous faites quoi là? C'est quoi ça là? Bah, c'est une question, madame. Mais c'est une question, je vais pas vous répondre à cette question là. Bah, si, c'est pour ça que je vous appelle. Bah, ça vous regarde pas. Bah, si, c'est pour ça que je vous appelle. Ah oui, attends, ah, c'est Franck. Ah non, pas du tout, je m'appelle Tof, madame. Tof? Oui. Avec PH à la là, fin. Pour moi du tout. Pardon? Et vous appelez les gens à 10h du soir? Oui, c'est ça. Et pourquoi? Bah, pour savoir si vous avalez ou pas. Je peux pas vous dire comme ça si j'avale mon mari ou pas, non. Ça vous regarde pas déjà. Bah, c'est quand même intime. Bah oui, mais vous pouvez juste me répondre par oui ou par non, ça suffit. Non, je vous répondrai pas. Bah pourquoi, madame? Bah parce que ça vous regarde pas. Bah si, c'est pour ça que je vous appelle. Oui, bah c'est bon, bonsoir. Hein. Ne rappelez pas parce que là, j'appelle la police, moi. Bah oui, mais vous avez pas répondu à la question. Je vais vous répondre à la question, pourquoi faire? Ça ne vous regarde pas si j'avale, ou j'avale pas le sperme de mon mari, ça ne vous regarde pas. Bah si, c'est pour ça que je vous appelle, madame. Vous êtes qui? Bah je suis Tof. Tof, mais Tof, c'est qui Tof? Bah c'est moi, madame. Bah oui, mais vous êtes qui? Bah Tof. Par rapport à moi, vous êtes qui? Bah personne. Et bah pourquoi vous m'appelez alors? Bah pour savoir si vous vous avalez. Et t'as eu où mon téléphone? Bah dans l'annuaire. Bah je suis pas, c'est pas possible. Bah oui, mais sinon j'aurais pas eu votre numéro, madame. Non, vous n'allez pas me reprendre ça dans l'annuaire, c'est pas possible. Bah si, parce que sinon je ne vous aurais pas appelé, madame. Eh ben, vous n'avez pas, je suis pas dedans. J'ai pas de téléphone fixe. D'accord, bah en fait le numéro est venu comme ça, il m'est oui, venu... Oui, parce que c'est pas à moi. D'accord, oui, en fait je l'ai composé, madame, comme ça. Vous oui. comprenez les chiffres me sont apparus oui, dans un rêve. Je vous dirai carrément, moi, je suce et j'avale. Eh ben voilà. Et maintenant, vous avez quoi? Bah rien, c'est tout ce que je voulais savoir, madame. Bah vous êtes vraiment un connard, hein. Ah bah non, madame. Et puis alors, tu nous fais quoi? Bah rien, il paraît que vous êtes plus intelligente. Attendez, je vous passe quelqu'un qui veut parler. Oui. On le dit, oui. Allô? Oui, bonsoir, monsieur. Ouais, c'est qui au téléphone? Moi, mais je m'appelle... La voix me dit quelque chose. Allô, est-ce que de quoi? Je m'appelle Toff, monsieur. Ouais, tu t'appelles Toff, ouais, bien sûr. Et moi, je vais te foutre mon poing dans ta gueule. La voix me dit quelque chose. Mais je vois pas pourquoi vous voulez me foutre mon poing, votre poing dans la gueule. Pourquoi tu demandes à ma mère si elle suce ou pas? Bah, pour savoir, monsieur, enfin. Et toi, tu fais quoi? Tu laisses ta femme? Bah, oui. Moi, j'ai pas de femme, monsieur, mais si j'en avais une, je la lécherais avec plaisir. Ma mère, elle suce ou pas? Non, j'ai demandé si elle avalait, monsieur, c'est pas pareil. Bah, c'est pareil, si elle avale, c'est qu'elle suce. Ah, non, pas spécialement, elle pourrait aller à la banque du sperme et prendre juste des verres. Ouais, bien sûr, et toi, tu fais quoi, là, dans la ville, là? Bah, moi, j'appelle des gens pour savoir s'ils avalent, monsieur. Bah, pourquoi faire? Mais c'est quoi ton sondage de merde, hein? Bah, c'est juste pour savoir, monsieur, parce qu'il paraît que ça rend les femmes plus intelligentes d'avaler. Ah bon, bah, ça te rend pas intelligent, en tout cas. Non, mais j'avale pas. Donc essaye d'avaler un mec et puis après tu verras, tu seras peut-être plus intelligent après. D'accord, bah je vais y penser, monsieur. Ah ouais, bah pense-y, hein, t'as intérêt, hein. Mais dis-moi où t'habites. Moi je suis à Paris, monsieur. Ah t'es à Paris? Oui. Ah d'accord, mais franchement c'est du n'importe quoi vos trucs là. Bah non, pas du tout, c'est juste une question, monsieur. Bah y'a pas de question à poser comme ça. Bah si, la preuve, puisqu'elle a répondu. Voilà, oui. Mais oui, elle a répondu, pourquoi? Pour t'emmerder, connard. Fils de pute, va. Putain, il faudrait pas que je sache d'où tu viens, toi, mon gars. Mais je suis à Paris, monsieur, vous voulez l'adresse? Oui, allô? Oui, bonsoir, madame. Bon, vous savez la femme que vous parlez, à quel âge elle a? Non, je ne sais pas, madame. Elle est à la retraite. D'accord. Mais et alors, ça vous a pas empêché de sucer des bites avant? Mais ça vous regarde pas. Non, mais c'est bon, vous avez répondu à la question, on va pas y passer la nuit. Maintenant je vois qui c'est. Ah, c'est qui? Hein, c'est le fils à Chantal. Ah, pas du tout, je m'appelle Toff, madame. Tu t'appelles Toff? Non. Ah, si, si. Non. Ah, bah si. Non, c'est pas celui. C'est quoi votre association, là, votre merde de truc de con, là? Mais c'est... Enfin, y a pas d'association, madame. Eh bah oui, bah, allez vous faire enculer. Une merde de truc de con là. J'aimais bien tout ça pour terminer sur le eh ben va te faire enculer. Ah bah voilà, simple, ça, classe. Moi, simple classe, tout ça tranquille quoi. Il y a le fils à Chantal qui va se faire déchirer. Ah ouais, puis après il y a le fils aussi, il y a toute la famille, hein, c'était cool. Et Benoît aussi qui dit me revoilà après un mois sans écouter la radio. Florian qui dit moi Mike, si tu veux je t'invite pour faire l'émission en 3 minutes de Disney de quoi occuper Toff dans le monde des poupées. Ah bah il sera content, tiens. Parce que je rappelle qu'on fera l'émission le 9 février en direct de chez un auditeur ou une auditrice directement depuis la maison, la salle à manger, la chambre, la cave, peu importe. Mystique qui dit c'est parti. Et 3h20 avec mes chouchous, ça c'était tout à l'heure. Et Antoine qui dit ce soir je vais pouvoir enfin écouter Mickaël jusqu'à 2h. Ah bah j'espère bien, Antoine. Tous vos messages avec le hashtag Mickaël sur le Twitter. Ajoutez-moi également, hein, tapez Mickaël _ officiel. _ c'est le petit tiret en bas. Et puis sur le Facebook également, tapez Mickaël officiel pour venir nous rejoindre. Il y a David avec nous maintenant là. Salut David. Salut. Comment ça va? Ça va et vous? Bah écoute, ça a l'air plutôt pas mal, tranquillement David. Non, nous on est bientôt au week-end donc on est pépère. On est plutôt tranquille. Ah ouais. Bah oui. Toff va draguer. Ah bah évidemment. Voilà, Polo va pipoter. Il va faire ça, ouais. Bah voilà, c'est ça. Et puis on va faire régime. Et puis bon bah voilà quoi, vous avez vu le week-end de un ouf, bon week-end quoi. À la folie totale. Bon David, qu'est-ce qui t'amène? Bah en fait moi j'ai quitté une petite aventure avec une surveillante en fait de mon bahut. Non, ah c'est bon ça. Et en fait j'ai fait les prélis avec elle dans sa bagnole. Dans sa voiture? Mais t'as quel âge? J'ai 15 ans. Et elle a quel âge? Ah je sais pas. Oh, tu t'es même pas censé savoir quel âge elle avait? Mais à peu près. Ouais, plus ou moins quoi, on n'est pas dans le détail. Je sais pas, la vingtaine. La vingtaine? Ah ouais, ça va, tu t'es mis bien David hein. Ah, il s'est mis pas mal. Et du coup qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour toi? Bah je sais pas, je suis game à la l'aise et tout par rapport aux potes, par rapport à... Par ah bah soirée. Attends, mais tu vas te la ramener après par rapport aux potes, t'es ouf toi. Bon attends, on va en parler dans quelques minutes, David, reste avec nous. Tiens, est-ce que vous vous êtes déjà tapé prof, surveillante, ou en tout cas femme ou mec beaucoup plus âgé que vous? Venez nous en parler. Alors quand je dis plus âgé, c'est que vous étiez très très jeune, hein, parce que comme là, lui 15 ans et elle plus de 20, si vous avez 40 ans et que vous tapez une meuf ou un mec de 50, bon, pff, c'est pas exceptionnel, vous voyez ce que je veux dire. Donc appelez-nous 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 depuis la Belgique. Il y a Virginie aussi qui est avec nous. Salut Virginie. Salut. Comment ça va? Ça va, ça va et toi? Tranquille, tranquille. Tu t'es déjà tapé toi Virginie des mecs plus vieux? Beaucoup plus vieux ou pas? Non, jamais. Jamais, d'accord, ok. Toi tu nous appelais pour les prénoms toi? Oui, voilà. Bon, puisque on se demandait si ça vous arrivait, comme Polo, comme moi d'ailleurs aussi, hein, d'oublier les prénoms. Ça m'est jamais arrivé avec ma meuf, Dieu merci. Hein, quand je suis sorti avec une fille, jamais j'oublie son prénom. Hein. Bon, heureux. Non, mais attends, il y en a un ou qui se trompe, tu vois, ils appellent leur meuf, j'en sais rien, moi, ils sortent avec une Stéphanie, puis l'autre, ah, Laetitia. Ah ouais, mais c'est ma hantise, ça, c'est ma hantise de me tromper de prénom. T'as bah dû oui. le faire. Bah, non, du coup, tu les appelles comment? Chouchou. Non, Chouchou. Non, généralement, ouais, je les appelle par leur prénom, non, mais ça va, ça m'est jamais arrivé, mais j'ai vraiment peur, ouais. Tu sais qu'un jour, par inadvertance, genre, tu vois, on se voit pas dans... Ou dans un rêve, tu sais, ils rêvent et ils partent d'une autre fois. Oh, Caroline. Ouais, non, mais tu sais, genre, on est séparés, tu vois, dans deux pièces, et genre, je l'appelle pour lui demander un truc, et en fait, c'est pas la bonne dans l'autre pièce, quoi. Ouais, ouais, enfin, évidemment. Le prénom, toi, t'as fait pire quand même, il y a une meuf, tu te souvenais pas d'elle, hein, quand même. Ouais. Et moi Toff. Ouais, ah d'accord, elle me regarde, mais je me dis, mais je suis coupable de rien, moi, qui a. Non, non, il se souvenait pas d'une meuf avec qui il avait couché. Oui, c'est vrai. Il s'est pris une baffe, ouais, ce jour-là. Je l'avais rencontré. Devant moi. Ouais, ouais. Je l'avais rencontré dans une boîte, et en fait, on était retourné 2 mois après, ouais. Voilà, c'est ça, et du coup, il s'est pris une baffe devant la moi. Bonne claque dans la gueule. Bon, et toi, Virginie, alors, c'est quoi l'histoire avec les prénoms? Tu t'es déjà trompé de prénom, etc. Oui, voilà, en fait, j'ai appelé mon copain par le prénom de mon ex. Ah putain, il a mal vécu, non? Oui, très mal, oui. Ah bah oui, oui. Qu'est-ce qu'il a dit? Bah, il a pété un câble. En plus, on était en voiture ce jour-là, donc il s'est vraiment arrêté au milieu de la route, il est sorti, il a pété un scandale, c'était vraiment... Abusé, quoi. Oh, les mecs sont relous quand même. Enfin, même les meufs, tu vois. Ça peut arriver. Si t'as passé beaucoup de temps ou beaucoup d'années avec le mec, si t'as des automatismes comme ça. Et puis t'as l'impression que c'est la fin du monde, que c'est un scandale, que c'est le pire truc qui puisse arriver sur Terre. Ça va, ça arrive. Si ça arrive souvent, en revanche, je peux comprendre que ça énerve un peu. Mais bon, c'est pas non plus la catastrophe. Mais c'est arrivé qu'une seule fois, hein, en plus. Oui, c'est arrivé qu'une fois. C'est ça le pire. Quel relou. T'es toujours avec lui? Non, je suis pas avec lui. Non, non, ah, d'accord. Le soir même, il m'a viré. Bah, non, c'est ça en plus, c'est vrai? Non, non, pas du tout. Non, non, c'est moi qui l'ai quitté peu de temps après. D'accord, ok, mais pas pour ça. Enfin, rien à voir avec ça. Non, rien à voir avec ça. Il était juste relou, quoi. Voilà. D'accord, c'est ok. Non, pas lui. Oui, mais voilà, bah alors nous voilà rassurés. Bon, les autres, dites-nous, tiens, si ça vous est déjà arrivé, là, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Ou si vous étiez peut-être la victime, hein. Donc là, on a Virginie qui s'est trompée de prénom. Mais si vous êtes, par exemple, à la place de son copain, comment est-ce que vous l'avez vécu? Appelez-nous, donc 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 depuis la Belgique. Eh ben, Virginie, je te remercie de passer, je te fais des gros bisous et tu reviens quand tu veux. Bah, je vous en prie, gros bisous à tous. À bientôt, salut à toi, à Virginie, bientôt. Ciao. Retour avec David dans quelques minutes, avec vous toutes et vous tous, et enfin avec Mathieu que nous allons avoir dans quelques instants pour faire le canular. À la bonne heure, il y a Christophe qui dit: je me suis déjà tapé une prof et à 19 ans je suis sorti avec une femme qui en avait 39 et son aîné avait 17. Oh la violence. Benoît aussi qui dit: Mickaël, viens sur Rouen, il y a de la place pour Sandra et Toff et Polo iront voir les étudiantes. Bah oui, tu y seras content. Bien sûr. Et puis moi, du coup, je vais où? Parce que Benoît, il va s'occuper de Sandra, les deux là, ils vont aller essayer de draguer de l'étudiante, et puis bah moi je fais quoi? Tu trouveras bien. Bon, Magda qui dit: moi ça m'est jamais arrivé de me tromper de prénom, bah heureusement. Et Maxime qui dit: la plus vieille, 32 ans, j'avais 17 ans quand même. Et Hugo Réo qui dit: est-ce que le gars il pourrait nous dire comment il a fait pour pécho la surveillante? Apparemment ça peut intéresser Hugo Réo. Bon, on en parle dans quelques minutes et puis on va se mettre le son que je vous avais promis avant de faire le canular, le vrai, hein. Enfin, tout à l'heure on en a fait un aussi, mais comment vous expliquer que Guillaume il était pas mauvais, il était hyper mauvais, ouais. Guillaume, oh là là, un truc de ouf. Bon, on a Mathieu dans un instant qui va nous le faire, le canular. Sera-t-il meilleur? On verra. On écoute Martin Garrix maintenant, c'est Wizard. C'est grosse couille pour t'emmerder, mon boîte dans ta gueule quand je te verrai, connard. Je sais pas qui vous êtes, mais dégagez de là. Vous comprenez ou quoi? Martin Garrix, à l'instant sur Fun Radio, c'était Wizard. Il y aura Stromae dans quelques instants également. Je vous cadrerai aussi le nouveau son Avicii. Et puis le nouveau Fatboy Slim avec Hit, Sleep, Rave, Repeat. C'est ce qui va arriver sur Fun avant 2h du mat. Et si vous voulez écouter un son, hein, bah, demandez comme d'hab, il n'y a pas de problème. Vous tapez simplement le hashtag Mickaël sur le Twitter. On fera d'ailleurs aussi tout à l'heure un point sur le Top Tweetos. Et puis on vous offrira aussi votre sextoy si vous êtes numéro 3 du Top Tweetos ce soir. C'est-à-dire que si vous êtes le troisième plus influent sur le Twitter de l'émission, M-I-K-L, hashtag Mickaël. Le prince Nadia également qui envoie son message, hein, comme tous les soirs d'ailleurs. Génial, son remixé par Mickaël, ça fait trop plaisir. Heureusement que vous êtes là également pour faire tourner ça, la rigolade, sinon ce serait à chier. C'est Ada et Dédé qui dit aussi: c'est vrai qu'on se couche moins bête en écoutant Mickaël. Ah bon?

Ok. Eh bah, très bien. Bah voilà, avec plaisir. Bon. J'ai été trop bon. Ouais, t'as été trop con surtout. C'est surtout ça qui s'est passé. Ouais. Bon, Christian et Mathieu, passez une bonne soirée quand même. Merci pour tout. Bah, merci. Hein. Avec plaisir. Et vive les pompiers. Ouais. Voilà. Merci, c'est cool. Salut à vous, ciao. Ciao, ciao. Bon, et si. Hey, pff, on s'est rattrapé quand même. Ah ouais, quand même. Non, là, on était pas mal. Oh. Ça va péter, nous. Là. Quel fil. J'adore. Oh putain, j'aurais pu mettre une patate avec le quel fil là. Et j'ai eu moi aussi une espèce de peur quand on en pleure. Putain, je pensais qu'il j'ai avait eu fait une crise cardiaque. Mais oui, il y a plein de messages qui sont arrivés. Il y a Roxane qui dit super le canular, j'ai kiffé, trop réel. Il y a Snorky aussi. Bah, pour le coup, même nous, on s'est fait avoir notre propre jeu là quand il décrochait plus. Trop fort, le c'est pas normal, c'est lui qui est mort. Bah oui, mais attends, c'est vrai. Le truc qui pète, c'est chez nous que ça pète. Benji qui dit péter de rire tout sur la gueule de Tov. Bah oui. Eva aussi, trop bien le deuxième canular là, je kiffe trop. 33, je sais pas si c'est la note qu'on a, mais en tout cas c'est gentil. Margot qui dit pété de rire, le tonton en fait une crise cardiaque. Black Dragon aussi, la vanne tourne au drame. Il a fait un arrêt cardiaque. Et arrêtez, vous imaginez, ça arrive vraiment ce truc là, on est dans la merde quand même. Hein. Hugo Rio qui dit je suis pété de rire, j'en peux plus. Il y a Vincent qui dit 3, 2, 1, boum, je suis mort. Trop fort le canular, 19 sur 20 est mérité. Oh bah c'est gentil. Il y a quoi aussi Inès qui dit j'espère qu'il va pas, qu'il n'est pas cardiaque le tonton. Là ça va, tout s'est bien passé. Ça c'est de la bombe. Il y a Xav, il y a Denis qui dit tof comme acteur de la radio, c'est génial. Ouais, mais il n'a qu'un seul rôle malheureusement, oui, hein. C'est dommage. Hein. C'est le problème de tous les grands acteurs comme De Niro, il a longtemps été cantonné à des rôles de mafieux, tu vois, c'est ça qui est dommage. Mais oui. Il y a Denis aussi qui dit tof comme acteur, oui je l'ai lu. Clément qui dit Mickaël, je pleure de rire. Tu dis il reste 6 minutes, ça fait un quart d'heure que tu dis quel fil il faut couper. Oui bah écoute, j'avais pas le chrono sous les yeux, mais t'inquiète pas que si j'avais eu une vraie bombe avec un vrai chrono là, un chrono pardon, Mickaël, putain Mika, arrête de gueuler, je me pisse dessus, c'est Christophe qui avait envoyé le message, mort de rire pour Laetitia. Ah bah il est mieux que l'autre. Ah oui, c'était pas compliqué, Benoît, en même temps. Hein. Jérémy aussi, excellent, mort de rire. Vous jouez bien. Bon canular de compétition ce soir, c'est Serge. Et Flora qui dit je coupe lequel. Allez, il y a marqué bombe sur quel fil. Oui, bah on a improvisé ce qu'on a pu. Hein. Magda aussi, il était bon celui-là. Bon bref, plein de messages, je peux pas tous les lire, on les lira au fur et à mesure. Tous vos messages, allez-y sur le Twitter, hashtag et Mickaël comme d'habitude. On va récupérer comme promis David et Gaylord dans quelques minutes. On aura Laura aussi qui voulait réagir par rapport à l'oubli des prénoms. Par rapport aux âges, aux différences d'âge. Eric également qui sera avec nous. Et puis je vous l'avais promis, on s'écoute maintenant au cœur de la nuit sans pub sur Fun Radio. Le son de Stromae. Ça va mieux là. Les hommes et tous les mêmes. Macho, mais tu... Ça va. Tout va bien. Y a pas eu de mort, tout est ok, y a pas de souci. Rapport au canular qu'on vient de faire évidemment, avec plein de messages, il y a 69 degrés qui dit pédé de rire, je vais d'arriver, je rigole déjà, trop bon le canular avec le tonton qui répond plus. Ah ouais, grave. Magda qui dit Mickaël en top tweet. Ouais, j'ai vu ça, merci beaucoup comme d'habitude. Bah c'est grâce à vous, hein. Nous on fait pas grand chose. Orgagasmi qui dit mort de rire, tu ne supportes plus un membre de ta famille, appelle Fun Radio. C'est un peu ça. Sébastien qui dit trop bon, vous êtes complètement cinglé. Luciana qui dit note 100 000, super le canular. C'était le meilleur, the best. Bah merci Luciana. Alexandre aussi 10 sur 10, pas mal le canular. Ness également excellent canular, il a largement rattrapé le premier. Ah bah ouais, parce que là on partait avec une cote négative, hein, avec le premier qu'on a fait tout à l'heure là, bah, je te dis. Tess aussi qui envoie son message là, qui dit trop fort le canular, 19 sur 20, j'ai le ventre qui va exploser en pété de rire, il n'y a pas de mort, mais ça tue, heureusement. Et Devers 45, 20 sur 20 pour le canular, moi et mon pote Benji, on s'est tapé de grosses barres. Big up à vous et aussi de la part de mon pote Benji, bah tu l'embrasses Benji. Bon esprit, le cadeau revient, tonton, bah oui, le prince Nadia, c'est normal, c'est lui qui a quand même flippé le plus. Enfin, quoi qu'on a flippé un peu aussi, hein, je crois qu'on méritait l'iPad mini. Là pour le coup. Et Joey Vin ou Joey Vin, je sais pas comment on dit, qui dit mort de rire, franchement je suis pété de rire, que des grosses barres sur cette émission, il est trop dans la merde le pauvre là, en tout cas bien joué pour la blague, franchement énorme. Bon bah merci, tant mieux si ça vous a plu. Si vous aussi vous voulez faire un canular et gagner des cadeaux, et bah la semaine prochaine hein, comme je le disais, on aura des casques Beats by Dre à vous offrir et on aura des GoPro également. Attention, la dernière fois on vous avait offert la GoPro Hero 3 Silver Edition et la semaine prochaine on va vous offrir la Hero 3 Plus. plus Black Edition. Ah ouais, ça rigole plus là. Ah bah c'est l'autre gamme. C'est-à-dire qu'on peut pas trouver plus haut de gamme dans la série des GoPro. C'est ça, il y a la Black, Silver. Non, il y a la normale, puis la Hero 3. Non, il y a la White, Silver, Black et Black Plus. Voilà, et là c'est la Black Plus. Putain, c'est du top. On se fout pas de votre gueule. Ouais. Voilà, la Black Plus qu'on vous offrira. Donc dès dimanche, donc si vous voulez faire un canular, si vous voulez piéger quelqu'un également, bah il y a pas de souci, vous nous appelez sans problème. Maintenant 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. Bon, voilà, la bonne chose de faite, ça tient, c'est parfait ça. David, qu'on va également prendre maintenant, qui a fait des préliminaires avec sa surveillante et que bah aujourd'hui il est un peu dans la merde parce qu'il sait pas trop comment réagir. Mais vous avez été jusque où du coup dans les préliminaires? Les préliminaires, quoi. Non, d'accord, mais je veux dire, c'est préliminaire, ça peut être simplement un cuni ou une pipe ou même des caresses à la limite, tu vois, juste un doigt et ça peut aller. Les préliminaires, c'est en fait tout sauf la pénétration, donc ça peut faire plein de trucs. Bouffer un doigt. Non, il n'y a pas eu de doigt, il y a juste eu un cuni, voilà. Ah d'accord, donc t'as rien eu, toi? De quoi? T'as rien eu, toi? T'es pas fait pomper le dard? Bah si, une pipe. On est mal entendu, c'est pour ça. Bon, attends, il y a Laura qui est avec nous d'Avignon là, qui nous avait envoyé un message depuis l'application Mickaël No Limit sur disponible gratuitement sur iTunes, bien sûr. Ça va, Laura? Ça va et vous? Bah, écoute, ça va, tranquille. Bon, les parents sont en train de dormir alors? Oui, mais je suis descendue en bas. Ah, très bien. C'est ce qu'elle m'avait dit sur par mail. Bon, alors, Laura. Tu as déjà eu une relation avec un beaucoup plus vieux et apparemment c'était la folie totale. C'est ça. Bon bah alors explique-nous qu'est-ce qui s'est passé. Bah en fait, je l'ai rencontré sur internet. Ouais. Oh mais je comprends pas ça. On s'est envoyé des photos, des messages, enfin des sextos quoi. Ouais, des sextos, ouais. Voilà, et après on s'est vu et voilà. Et après il t'a démonté. Ouais mais non mais d'accord, ok, mais ça si tu nous expliques comment tu l'as rencontré, etc. Donc ça c'est bien. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi c'était le meilleur? Qu'est-ce qu'il a fait pour être le meilleur? Bref, je sais pas, explique. Il avait une grosse. J'avais eu le premier orgasme de ma vie en fait. Avec. Ah, oh, c'est mignon. C'est mignon ça, dis donc. Est-ce que c'est. Non, la question c'est. On peut se poser deux questions. Était-ce le premier orgasme de ta vie parce qu'il était meilleur que les autres ou parce que les autres étaient très mauvais? Ah ben ça, je sais pas. Ah ben voilà, parce qu'au final, tu sais pas si le mec était très très bon au fin de compte. T'es peut-être sorti avec des mauvais et lui était moyen ou bon et du coup, il a réussi à te faire monter au 7ème ciel. Voilà, peut-être. Ouais, et puis il y a l'expérience, c'est quand t'es plus vieux, t'as l'expérience aussi qui joue. Oui, aussi, oui, c'est vrai, mais t'es peut-être un peu plus fatigué, tu vois. Ouais, mais c'est bon, ça. 20 ans de différence, hein. Ouais, bah je sais bien, ouais. Et ouais. Ça date de quand, ça, ce plan avec lui? De novembre. Ça s'appelle pas Tof, par hasard? Non. Ah non, d'accord. Non, non elle a quand même bon goût. Hein, ouais, elle a joui, donc c'est pas Pet Tof. Oui, je suis sûr, elle dit pardon, je m'en vais. Excusez-moi. Ouais, moi, y'a que moi. Par contre, j'ai vu la photo de Tof, j'ai pas pu dormir, hein. À la violence. Laquelle, t'as vu? Celle où t'es en slip là. Oh là là, quelle horreur. Oh, qu'est-ce que je suis beau. Oh oui. Oh, une catastrophe. Mais est-ce que tu as vu ma vidéo? Non, je l'ai pas encore vu. Ah bah va voir ma vidéo, je fais du pole dance, tu verras, voilà. Je suis hyper sexe. Une horreur, la pole dance, elle est là la vidéo, hein. Faut aller voir sur facebook.com/mikaelofficiel. Comment vous dire que... Je suis trop beau. Non, c'est à gerber. Non, ouais, je peux ça. Pas. Voilà, non. Je pense qu'on peut dire ça comme ça. Bah, merci Laura. Attends, il y a Gaylord aussi qui est avec nous là de Clermont-Ferrand. Salut Gaylord. Salut tout le monde. Comment ça va? Bien et vous? Mais ma foi, plutôt pas mal. Bon alors, t'avais des conseils à filer à David toi? Enfin des conseils. Est-ce que t'es déjà sorti avec une meuf qui était beaucoup plus âgée que toi? Alors moi je te raconte l'histoire, il y a 15 ans. Hein. Ah bah c'est pas grave, vas-y explique quand même. C'était la femme de ménage de mes parents. Oh c'est fort. Bon ça. Ça c'est bon ça, alors vas-y explique. Bah ça a duré 2 ans l'histoire. Hein. Oh, ah ouais quand même. Ah, tu l'as bourré toi, à l'ancienne. Mais oui, mais en fait, j'ai besoin de la femme de ménage dans ma chambre parce que c'est très sale. C'est très, très sale. C'était, je suis dans le même cas que Laura, tu vois, c'était génial. Franchement, le top. Vas-y, raconte comment. Allez, moi, ça m'intéresse, je suis fou. On veut les détails. Espèce de cochon, ouais. Ouais, donc du coup, ouais, c'était il y a 15 ans, tu vois, j'étais donc, ils avaient une femme de ménage et tout. Moi, j'étais en apprentissage. Ouais. Et un lundi, donc je travaillais pas le lundi, donc le lundi matin je me lève et elle venait le lundi matin en fait. Et je me lève et je dormais à poil. D'accord. Et je me lève pour pisser et là, j'étais pas au courant qu'il y avait une femme de ménage. Et je me lève, je me gratte les couilles comme tous les mecs. Ouais, voilà, c'est ça, une petite main en bas et hop là, c'est parti. Hein. Voilà, moi je vais pisser, puis je vais me recoucher, puis j'ai pas tissé, puis je ressors, puis il y avait elle, elle me dit, oh, faudrait pas se travailler tout nu et tout, donc bref. Là, tu, là, syndrome de SK, tu sautes dessus. Voilà, mais la meuf, non, elle était un peu bien ou t'étais juste. Elle était bien la femme de ménage ou tu t'as sauté dessus parce que c'était une femme et que bon, bah voilà. Ah non, 44 ans, elle était mariée avec un mec de 70 ans. Non. Mais elle est. Comment elle était faite, mon pote? Ah ouais. Mais c'était juste énorme. Ça, je te dis, ça a duré 2 ans et je pense que c'était ma plus belle expérience. Non, mais t'as pas expliqué. Ça a duré 2 ans. Ah oui, putain, pendant 2 ans, elle avait son mec de 70 balais et toi, t'étais derrière, toi, t'entendais. Ouais, elle venait, ouais, elle venait nettoyer, l'astiquer une fois ouais, de temps voilà, en temps. C'est ça, elle venait faire le ménage. Mais t'as pas expliqué pourquoi c'était bien. Pourquoi c'était bien, mais je serais même pas t'expliquer. Parce que je sortais avec des filles de mon âge. Donc c'était différent, tu vois, c'était, on était là, elle connaissait, elle t'apprend plein de trucs, elle te fait des choses, mais elle te retourne le cerveau, quoi. Bah, j'étais, c'est pas le cerveau qu'on lui demande de te retourner en même temps, hein, mais... Ah, mais ouais, elle m'a tout retourné, quoi. Elle m'a tout retourné. mais en fait, c'était une belle expérience. C'était une belle expérience. Bon, qu'est-ce qu'elle a fait de ouf? Bah déjà, elle avait le coup de poignet à force d'astiquer. Hein. Bah, elle avait le coup de poignet. Ouais, ah, non, mais c'est vrai. C'était pas le coup de poignet, là, c'était... Elle astiquait pas avec la bouche, le plumeau. Non mais bon, qu'est-ce qu'elle faisait de plus dingue, le truc dont tu te souviens, t'oublieras jamais. Le plus dingue, j'avais 16 ans, hein, donc le plus dingue, c'est déjà elle adorait sucer. Ouais. Déjà. Mais c'était quand elle te disait que, par exemple, elle disait, ça fait du bien de trouver une vierge bien dure et tout, tu vois, parce que tu parles 70 balais, son mec. Oui, après, bon, note, ça peut l'être, hein, mais c'est sûr que c'est pas forcément l'âge où ça tient le mieux, ça c'est évident. Mais putain, t'as eu de la chatte, hein, mon cochon. Hein. Ouais, parce que moi, la femme de ménage chez mes parents, elle était super mignonne. Eh ben j'ai jamais réussi à la pécho. Ouais mais là il y a peut-être un problème de physique aussi. Ah oui peut-être. Oui ouais. Peut-être, mais tu sais dans le noir, pas trop réveillé, il y a peut-être moyen de. Ouais mais la femme de l'âge nettoie jamais dans le noir. Ouais. Et l'odeur toi. Et puis elle est bien réveillée pour le coup quand ouais, elle arrive. Bah ouais. Sur son lieu de travail. C'est vrai. T'aurais peut-être dû lui proposer d'aller faire le ménage chez elle. Ah oui, j'aurais dû, ouais. Peut-être que. Ouais, mais son mari était yougoslave. Ah ouais. Donc tu vois, armé. Et je pense que ta mère t'aurait mis une baffe dans ta gueule. Grave, ouais, je pense. Ouais. D'aller faire le ménage chez les autres. Donc en fait, ce qui t'a retenu, c'est pas, c'est la peur, quoi. On peut appeler ça comme ça. Voilà, c'est ça, ouais, c'est ça. Donc en fait, c'était la peur, d'accord. Bon, il y a Eva qui. La peur de la mafia. De quoi? La peur de la mafia, il a eu. Ouais, bah la peur de la main dans la gueule, en fait, tout court. Hein. Je pense que ça suffit, ouais. Ça suffit pas mal là, déjà. Le problème de la taille de sa main, c'est qu'elle faisait 50 cm, quoi. Donc, bah c'est ça, c'est ouais. Bon, et donc s'il broyait sa bite après, bon, enfin bref. Oh là, il aurait pu me broyer la tête juste avec 2 doigts. Hein. Oh, toutes ces meufs qui ont souffert et qui n'auraient pas souffert grâce à lui, peut-être. Ouais, c'est vrai. Enfin. Bon, attends, il y a Jérémy aussi qui est avec nous de Toulouse. Salut Jérémy. Salut. Comment ça va? Ça va et toi? Bon, très bien Jérémy, sois le bienvenu. Bon alors, avant d'écouter le son de Vinci dans quelques minutes, quelle est ton histoire? Tu nous appelles par rapport aussi aux différences d'âge? C'est ça. Bon bah t'as fait une différence d'âge avec de combien toi? Ben j'ai 16 ans et elle a 84. Comment? Elle a quel âge Jérémy? 84, tu te fous de la gueule un peu là, non? Non. Si, attends, ouais, Jérémy. 84 ans, tu fais. Non, je veux bien, non, alors, je veux bien l'expérience 84 ans. Tu veux péter le bassin? Non, mais non, non. L'avantage à 84 ans, c'est qu'elle peut sucer sans les dents. Oh, et ça, t'es vraiment une merde. Je pense que Jérémy il s'ennuyait ce soir. Hey. Il s'est dit je vais appeler la radio. Non mais Jérémy, t'aurais pu dire, je sais pas moi, 50 maxi quoi. Après, ça commence à devenir un petit peu, tu vois. Non, alors pour après je sais pas quelles sont tes orientations sexuelles, mais il y a un mec qui vient de se faire arrêter. Son kiff c'était d'aller dans les maisons de retraite, d'attendre que les vieilles elles dorment. Arrête, je veux pas le savoir. Arrête. Je ne veux pas savoir. Cette histoire est vraie. Hein. Je ne veux pas le savoir. Il y a que lui qui connaît ce genre d'infos. Mais oui, ouais, putain, personne ne connaît cette info. Tu vas sur le site chelou. Oh l'horreur, putain. Mais c'est pas le pire. Notre attention. Non, mais parce qu'il y a des mecs qui sont vraiment barrés. Il y en a un autre qui s'est fait arrêter, mais c'était il y a un peu plus longtemps. Le mec, en fait, son kiff, c'était d'aller dans les morgues. Oh, je veux plus. C'est non, c'est bon. Allez, hop, terminé. Mais non, ça, ce sont des histoires. Je veux pas le savoir. Bon, du coup, Jérémy. Ouais. Bon, cette meuf, alors, enfin, cette dame, enfin, cette mémé, mamie. Cette grand-mère. Ouais. Ben, comment ça s'est passé? Grand-mère. Ouais, plus là, ouais. Comment ça s'est passé? Ben en fait c'est une amie à ma mère et un jour elle était pas là donc j'ai dû aller dormir chez elle et à un moment elle commençait à se rapprocher de moi et tout et elle commençait. Mais attends, vous dormez dans le même lit? Non, non, mais on regardait la télé. Excuse-moi, j'enlève le casque parce que je peux plus écouter ça. C'est chaud. Jérémy, t'es vraiment cool. Vas-y, nous on l'adore. Vas-y, vas-y. Non, c'est grave. Vas-y, Jérémy. Ouais. Vas-y. Ah, et elle commençait vraiment à me toucher et tout. Et moi, j'ai rien dit parce que je n'osais pas, tu vois. Je n'osais rien dire. Et là, elle commençait à m'embrasser. Eh, t'avais peur du coup de canne, c'est ça? Hein? T'avais peur de recevoir un coup de canne? Non, mais j'avais peur, je sais pas, je n'osais rien lui dire. Mais c'est pas sérieux quand même. Mais si, je te le jure. Oh. J'ai dit à ma mère et tout, et depuis, elle ne parle plus et tout. Non, depuis, elle est décédée. Moi, j'ai trouvé mieux, donc un mec de 17 ans qui s'est tapé une meuf de 90. Dans une maison de retraite. Mais enfin, c'est impossible. Mais qu'est-ce qui se passe dans vos têtes? Il a été arrêté par la police parce que, a priori, elle n'était pas consentante. Sans déconner, quoi. Mais c'est pas possible dans vos têtes. Mais c'est le même délire que. Bon, en même temps, qu'Alzheimer, elle a été oubliée. Non, mais c'est le même délire que les mecs qui se tapent des enfants ou des vieux, c'est pareil. Enfin, tu vois, c'est un peu improbable. Comment est-ce possible de faire un truc pareil? Je comprends pas. Oh, ça a un problème au cerveau, là. Mais Jérém, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Tu peux pas dire non? Ben, je sais pas, j'avais trop peur de sa réaction, quoi. Mais t'as donné des bonbons à la fin? Merci. Non, après j'ai appelé ma mère et y a mon frère qui est venu me chercher, mais j'avais trop peur. Ah, mais en fait, t'as eu peur? Mais oui, j'ai eu peur. Ah. Mais il s'est rien passé quand même, du coup, alors. Ouais, t'aurais dû la fourrer, oh là là. Mais non, mais... Oh, attends, c'est dégueulasse. Mais tu t'en fous, une chatte c'est une chatte, arrête. Non, bon, c'est fini Toff, putain. Et l'avantage, tu vas être suspendu. Et l'avantage d'être suspendu, mais une corde. Et c'est l'avantage des meufs de 80 ans, c'est qu'à cet âge là il n'y a plus de poils. Ouais, super, super. Cet âge là c'est plus une chatte, hein. Comment tu ouais, dis ça, c'est toi? Ça, ouais. Je veux pas le savoir, je ne veux pas le savoir, c'est bon. Ah, c'est clair. Bon, Jérém, vrai ou pas, je sais pas, je vais préférer imaginer que c'est faux et qu'on a bien rigolé et que... voilà. Hein, comme ça au moins, ça y est, c'est fait, c'est plié. Pas plus... que je sois coincé. Ta gueule, Toff. Non, je veux pas le savoir. Voilà. Non, mais j'ai des grosses couilles pour t'emmerder, moi, boîte dans ta gueule quand je te déris. Voilà, c'est ça. Bon, donc je disais, Jérém, merci de passer. Ouais, de rien. Eh ben, avec plaisir, hein. Tu reviens quand tu veux, hein. Et bonne bourre avec mamie. Continue comme ça, c'est trop bien. Bah, c'est gentil, ouais, Jérém. Salut à toi, ouais. Bon, Gaylor, merci beaucoup. Ouais, merci à vous, les gars. Et à bientôt, et hein. Un gros bisou à Sandra. Très bien, bah attends, elle te répond. Allez, maintenant, va te faire enculer. Ah, bah voilà. On n'y pense jamais, mais avec une vieille de 80 ans. Ta gueule. C'est que dès que tu peux la pénétrer et faire. Non. Voilà, hop, ça y est, c'est fait. Voilà, c'est bon. Il y a eu de la censure pour la première fois de ma vie. C'était crade, mais drôle. Voilà, bon. Gaylor, merci beaucoup. Passez une bonne nuit, hein. Eh, bah vous aussi, bonne soirée. Salut. Allez, tout le monde. À bientôt. Qu'est-ce que je fasse? Je peux plus rien faire. Je peux rien faire. Je peux plus là. Non, mais voilà la jeunesse d'aujourd'hui. Bah oui. Bon, Laura, merci non, à toi mais... aussi. Moi je trouve ça bien. Quoi, Laura? Une dédie, s'il vous plaît, je peux? Mais bien sûr. Faire foutre, pauvre connard. Je passe une dédie pour Ben Talk de Toulouse. D'accord, très bien. Voilà. Et bah le message est passé sans problème. Ça roule. Au revoir. Salut Laura, gros bisous à toi, à bientôt. Hein. Ouais. Alors qu'on... Tu vois, ta gueule. Ta mère, t'as compris, c'est bon maintenant. Voilà, c'est pas plus compliqué ça, putain. Va te faire enculer, salope. Non, mais je voulais dire... Non, tais-toi, je voulais dire un truc bien. Tais-toi. Toi, fils de pute d'enculer ta grand-mère. Voilà, je voulais faire un peu de prévention et tout. Allez vous faire foutre. Voilà, je sais pas comment on peut te le dire autrement sinon, hein. Non, mais je trouvais ça bien. Il y a encore des jeunes pour s'occuper des vieux. Ouais, ouais, c'est ça. Ah bah alors vous êtes un salaud. Bah exactement, je pense que tout est dit, effectivement. David. T'as bien foutu la merde. Ah, complètement là. Ça va mieux là. Bon, eh ben merci de passer quand même, hein. Ouais, de rien. À bientôt, hein. À bientôt, ciao. Salut, salut. Bon, on aura Eric dans quelques minutes également avec nous là. Pouf, on va faire les appels avec Toff. Allons-y. Allez. Mais va voir ta mère, enfant de putain. Oh. Bon, bah d'abord, on va se mettre le son de Avicii maintenant. Avicii avec Addicted to You sur Fun Radio. Bonne nuit tout le monde, il est 1h29. Ça va aller, là, ça va aller. Mais va voir ta mère, enfant de putain. Oh. Don't know just how it happened. Le son d'Avicii sur Fun Radio avec Addicted to You. Il y aura Fatboy Slim tout à l'heure avant de partir. Ready for me. Je vous l'avais promis, It's Sleep, Rave, Repeat, c'est ce qui va débarquer sur Fun Radio. Toujours vos messages qui arrivent avec le hashtag Mickaël sur le Twitter et sur le Facebook. Il y a Mazine aussi qui dit Mickaël No Limit en live de Toronto tous les soirs. L'écoute est parfaite, vous déchirez grave. Continuez comme ça. Ah bah c'est gentil. Je sais pas si c'était toi qu'on avait eu déjà de Toronto, mais apparemment il y a quelqu'un d'autre qui écoute de là-bas. Et j'ai adoré la ville. Polo aussi d'ailleurs, quand on y était, c'était le surkiff Toronto. Echo aussi qui dit Tof, est-ce que vous pourriez intérioriser votre connerie, s'il vous plaît? Oui, complètement. Il y avait quoi aussi, Sébastien qui dit 84 ans, plus un clito, c'est plus un clito, c'est un cornichon. Et bon, bah c'est bon, on va pas en faire pendant 107 ans là. Il y a Tess aussi, enfin Vincent, Tess, Vincent, je sais pas qui, lequel des deux écrit, bon, enfin un des deux. Avec le choc des générations, il y a que sur ça que les jeunes et les vieux s'accordent. Mais avant, faut enlever la croûte. Oui, merci Tess. Et alors Christine Anna aussi qui dit c'est qui les boss, la team Mickaël en top tweet, c'est juste évident, continuez comme ça l'équipe, je vous adore. Merci, gros bisous à tout le monde. Benji également, mon dieu, j'ai mal au ventre à force de rire. Et Orgagasmi qui dit le mec a cassé la croûte avant. Oh, Orgaga. Et Thomas aussi sur l'application Mickaël No Limit. Quelle horreur. Tof qui fait du pole dance. Quel suicide visuel. Oui, ça je confirme effectivement que c'est pas forcément beau à voir. Et Eva qui dit Mickaël No Limit, la meilleure radio depuis septembre. Je vous écoute et toujours pas de message de bienvenue. Oh bah alors, bah je vais t'en mettre un. Allô, faire un culé trop pédé. Ben voilà, tout simplement, fallait demander. Et le bœuf ferré qui dit allez, mamie, le suppositoire, je le donne à manger au dindon ou je le jette dans le trou noir. Grande classe, le bœuf ferré, hein, ça c'est. Oh, moi j'ai aimé. Mais ça j'imagine bien. Bon, on fait encore un appel puisque je rappelle que nous sommes tombés sur une enquête qui disait que, eh bien, les filles qui avalaient avaient plus facile à retenir les choses, avaient de meilleure mémoire. Oui. Paraît-il. Donc c'est pour ça, si vous êtes une fille, que vous avez besoin de réviser, n'hésitez pas à appeler moi, je vous aiderai. Et voilà la qualité en plus de merde. Je vous aiderai de ma semence. C'est ça, ouais. Donc on a reçu des numéros d'auditeurs, évidemment, comme tous les soirs de la semaine. Vous envoyez vos numéros sur le mail de Tof, toph@funradio.fr. Et puis on appelle des gens comme ça tous les soirs, évidemment. On appelle maintenant, c'est parti? Allons-y. Allez, c'est parti. On y va, on appelle. 1h34 sur Fun Radio. On est en direct jusqu'à 2h. Oui, allô? Allô? Oui, bonsoir monsieur. Non, c'est madame. Ah pardon, bonsoir madame. Bonsoir. Oui, bonsoir, voilà, en fait je vous appelle parce que je voulais savoir si vous avalez. Allô? Allô? Oui, bonsoir monsieur. Ouais. Oui, en fait j'étais en communication avec votre femme, je voulais savoir si elle avale. Et toi, t'avales toi? Ben, c'est pas la question monsieur. Ben, est-ce que toi t'avales? Oui, mais c'est pas la question monsieur. Et mon poing dans ta gueule, tu veux le recevoir aussi? Mais c'est pas ce que je vous ai demandé, je vous ai demandé si votre femme avalait, monsieur. Qu'est-ce que ça peut te foutre, connard? Bah c'est pour savoir, monsieur, c'est qu'une question. Bah c'est qu'une question, ta femme, elle avale? Mais j'ai pas de femme, moi, monsieur. Bah alors va te faire enculer. Mais je vois pas le rapport, monsieur. Pardon? Mais je vois pas le rapport. Tu vois pas le rapport? Le rapport, c'est que moi, ton numéro de téléphone, tu vois, il va s'afficher dans pas longtemps. Oui, d'accord, mais ça change rien. Donc je vais te retrouver, puis je vais te niquer. Oui, mais pourquoi vous voulez faire tout ça, monsieur? Pourquoi je vais faire tout ça? Bah oui. Parce que t'as pas posé cette question-là à ma femme, abruti, ouais. Bah, pourquoi je pourrais pas poser cette question-là, monsieur? Mais qu'est-ce que ça peut te foutre, tête de mort? Bah c'est juste pour savoir, enfin, monsieur, soyez un peu... Ouais, tu sais à qui tu parles, là? Bah non, mais on s'en fout. Voilà, bah moi je m'en fous pas, tu vois, parce que moi je travaille à la gendarmerie, donc je vais choper ton numéro de téléphone, et je vais porter plainte contre toi, et en plus je vais avoir ton adresse, et je vais pouvoir venir te voir. D'accord. Mais vous voulez pas répondre à la question avant? Hein? Vous voulez pas répondre à la question avant? Mais va te faire enculer, là, t'es en train de me gonfler, tu vois. Ah, donc votre femme, elle va avaler après, une fois que vous serez bien gonflé? Ah, putain. Dans pas longtemps, tu vas recevoir mon coup de téléphone à moi, puis je vais te poser la question, et je vais t'éclater la tête, et tu me diras oui ou non. D'accord. D'accord. D'accord, mais avant, vous répondez à ma question ou pas? Non. Ah bah pourquoi, monsieur, ça pourrait être sympa, quand même. Ouais. On fait un échange de bons procédés. Ouais. Non? Bah donne-moi ton adresse, et puis je te dirai la réponse. D'accord, alors je suis 20... Ouais. Rue Bayard, ça s'écrit B-A-Y-A-R-D. Ouais. Voilà, et c'est à Paris. Ouais. La capitale. Pas de problème. Voilà. 20 rue de Bayard à Paris. Non, il n'y a pas de 2, monsieur, c'est rue Bayard. En plus, je vais te croire. Mais c'est pas grave, vu que je vais avoir ton numéro dans pas longtemps, c'est pas un problème. Bah oui, mais quand vous aurez mon numéro, vous verrez que c'est au 20 rue Bayard. Ouais, bah on verra bien. D'accord. Bon, et alors, pour répondre à la question, monsieur. Ouais. Elle avale ou elle avale pas? Non. Ah bah voilà, vous voyez, c'était plus simple en fait. Ouais, mais que, je sais pas, là. Vous me l'auriez tout de suite, on aurait économisé une conversation. Ouais, bah ouais. Hein? Voilà, ouais. Maintenant on peut se souhaiter une bonne soirée. Bah non, bah toi, elle va pas être bonne. Ah bon? Ouais. D'accord. Bah je vous attends ce soir, alors. Hein? Je vous attends ce soir. Ah. T'auras de mes nouvelles. D'accord. Eh ben, j'attends de vos nouvelles, alors. Ouais. Allez, à bientôt. Ouais, va te faire reculer, connard. Ah, ça... Eh, parti. Ça a bien clôturé l'appel là, tiens. Bah, va te faire enculer, connard. Bon, bah, écoute, j'ai envie de dire pourquoi pas. Tiens, je vous disais tout à l'heure que j'avais quelques techniques pour ne plus oublier les prénoms là. Ouais. On a trouvé ça sur internet. Et donc, apparemment, pour éviter d'oublier les prénoms, il faut 1. Demander une carte de visite. Bon, sous réserve que ce soit pour le travail hein, à ce moment-là. Ou une prostituée. Répéter son prénom plusieurs fois. Notez-le. Oui, ça, c'est le mot du minimum évidemment. Redemandez-le pour être sûr. Alors, le problème avec le numéro 4 de redemander, c'est que si on redemande le prénom, ça veut dire qu'on pas fait attention la première fois, et si tu une fille dire ah t'as vu t'écoutes pas ce que je dis, et là t'es mort hein, ça c'est ouais. Fini, la soirée est foutue. Il faut projeter l'image par rapport au prénom. Bon après projeter l'image que vous voulez. Il faut faire des associations de mots pour retenir le prénom, ou alors le répéter le plus souvent possible. Ouais, moi j'associe Vanessa à sodomie. Ah oui, bah parce que ça s'associe pas pourtant. Ah bon? Ah si si, moi c'est parce que ma première sodomie c'était avec une Vanessa. Ah d'accord, ok, très bien. Donc du coup toutes les Vanessa sodomie ça j'associe. D'accord, parce que sinon tu peux faire rimer également pour retenir. Ah oui, je peux faire rimer, ouais. Voilà. Vanessa ah ouais. Nutella. Ah oui, Vanessa Nutella. Voilà, ouais, ouais. Tu vois, ça c'est. Ouais, ouais, c'est pas mal. Voilà. Ouais, je vais y penser. C'est une idée. Bon, si vous en avez d'autres, des conseils, surtout n'hésitez pas, vous êtes bien sûr les bienvenus. On est là jusqu'à 2h du mat avec tous les messages qui arrivent évidemment en direct. Et puis on va prendre Eric qui est avec nous maintenant là. Bonsoir Eric. Oui, bonsoir. Comment ça va? Ça va et vous? Bon, écoute bien là, tranquille, on avait fait le canular tout à l'heure, on s'est pas encore remis, je suis toujours trop chaud là. Mais. Ouais. Mais sinon ça va là, sinon ça va. Il y avait Shippers Baby qui dit bravo pour le canular de tout à l'heure là, trop fort là, il s'est bien énervé. Xavier qui dit je suis avec toi, Toff est un gros porc. Ah ben merci Xavier de me soutenir. Pas du tout, pas du tout. Ouais c'est ça. Et Polo aussi cela dit au passage hein, qui tient bien. En fait Polo il dit pas grand chose quand il y a ce genre de truc. Il rigole, il fait juste un truc en disant que c'est la faute de Toff. Oui, c'est toujours ma faute de toute façon. Mais et j'assume, se retire, moi. Et voilà. Et Benoît qui dit si les filles avalent la semence de Toff, elles vont devenir très très abruties. Oui, ça c'est une certitude également, effectivement. Et Camille avec un cas qui dit perso, c'est Toff, Polo, Mike et Sandro qui ont fait mon éducation sexuelle. Alors oui, on se couche moins bête. Eh ben dis donc. Oui, complètement. Heureusement que c'était là pour relever un peu le niveau, hein. Au niveau d'éducation sexuelle, parce que sinon tu serais devenu c'est probablement. C'est pas vrai, comme moi je fais des gens ouverts, prêts à ouais. Découvrir de nouvelles choses. Mais c'est parfois mieux que ce soit fermé. Bon, enfin bon. Bon, Eric, tu nous appelles pourquoi, dis-moi. Ben voilà, en fait, comme je travaille de nuit, en fait, je cherche quelqu'un qui, en fait, qui bosse la nuit ou qui est insomniaque. Pourquoi faire? Discuter. Oui, non, mais on a compris. Mais en vrai. Ben, pour discuter. Oui, et après, quand t'as fini de discuter? Ben, raccrocher. Et après, le lendemain, tu vas retéléphoner? Oui. Rediscuter? Oui. Mais à quel moment tu lui fourres ta bite? Oh! Jamais. Non, arrête ton cinéma. Genre tu veux rencontrer des meufs juste non, pour discuter. Pas. Tu es j'ai gay? Pas j'ai dit discuter. Non mais rencontrer, oui au téléphone tu vas les rencontrer. Faire la connaissance. Faire la connaissance, voilà c'est ça. Et donc tu veux à aucun moment tu vas vouloir un moment ou un autre, non? Non. Alors pourquoi que des filles? Ouais c'est vrai parce que tu aurais pu prendre des mecs alors du coup. Ouais parce que la discussion est mieux avec la chambre féminine. Oui parce qu'on sait jamais sur un malentendu, blablabla. Elle te rejoint, ça dérape, ça glisse et non. Ah peut-être dedans. C'est ça. Non pas spécialement non. Non pas spécialement mais disons que c'est quand même possible. Ah, d'ailleurs on peut lancer le délire, tiens. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, comme là il essaie de nous le faire croire en tout cas là Eric, que vous rencontriez un mec ou une meuf et qu'il n'y ait rien. Pas d'arrière-pensée, aucune, jamais. Ah, moi jamais, ça m'arrive jamais. C'est-à-dire, moi je vois une meuf, jamais je pense à autre chose. C'est ça. Bah oui, évidemment. Enfin, comme si je pouvais moi imaginer des choses avec les femmes. Donc t'as déjà imaginé baiser Sandro? Bah grave. Le premier truc, c'est que je l'imagine à quatre pattes sur son standard en train de lui donner. Rêver de la fourrer. Et puis après, j'ai commencé. Disons que je connais les gars. Tu gardes ça pour toi, Toff. Ah, bah c'est trop tard maintenant. Hein. Mais là, ils s'imaginent en train de te retourner sur le standard. Là. Et puis après, bon, on a appris à se connaître et cette image est passée. Elle s'est dissipée, tu vois. Ah, elle s'est dissipée. Mais ouais. Tu t'es déjà branlé au moins en pensant. Ah, elle, ah bah oui, grave, grave. Au début, je rentrais le soir et tout, je me suis dit, oh putain, la salope et tout. La salope. Oh, quelle horreur. Tiens, prends ça, tiens. Mais oui, Polo, mais ça, oui. Il le fait en directement, lui. Ah bah bien sûr, évidemment. Lui, il a besoin d'extérioriser, donc il se gêne pas. Hein. Exactement, mais, exactement. Petit enculé. Ouais. Mes premiers draps où je suis arrivé à Paris, ils se souviennent encore de Sandro. Ah bah ouais, ça c'est sûr. Bon, il y a Alexandra qui dit bonne fin de soirée à vous et à l'écoute du merveilleux Mickaël. Oh, merci Alexandra, c'est bien. Bon, alors, tous les messages, dites-nous si vous êtes... si comme justement Eric, vous croyez à cette possible discussion. On parle même pas d'amitié, hein, c'est juste vraiment de discuter sans avoir d'arrière-pensée. Venez nous en parler maintenant. 01 42 48 5000, 02 851 4x0. Eric, ça t'est déjà arrivé, toi, de discuter et de pas avoir d'arrière-pensée du tout? Jamais. Mais... Il y a eu quelques fois. Non, parce qu'après, tu as toujours... Après, que tu n'ailles pas jusqu'au bout ou que tu saches dès le début qu'il n'y a rien. Mais je veux dire, il y a quand même un moment quand il y a un mec et une fille qui se plaisent physiquement, même si vous ne faites rien parce que vous êtes pris, parce que j'en sais rien. Mais il y a quand même un moment ou un autre, ça te passe par l'esprit, tu vois. Je veux dire, on reste des animaux. Mais ouais, c'est... C'est ce qu'il y a au début, t'as envie de la fourrer, après tu discutes et tu te rends compte que tu la fourras pas. Mais va voir ta mère, enfin, putain. Oh. Mais je vais y aller là, dans un quart d'heure. Bon, Eric, reste avec nous. On va en parler dans un instant, d'accord? Marche. Allez, reste là. Bon, les autres, vous nous appelez, il reste un quart d'heure. Allez-y, on sera de retour dimanche dès 20h. On écoute le son de Fightboy Slim maintenant. C'est Eat, Sleep, Rave, Repeat sur Fun Radio. There was this DJ who was like kicking off. I don't know what he was doing. Vous êtes un sacré petit galéron. Petit enculé. Voilà, le son de Fatboy Slim à l'instant. Hit, sleep, rave, repeat sur Fun Radio. Il est 1h47. Il y a un message qui dit: moi j'avais 21 ans, il avait 66 ans, c'était une bonne expérience, sacrée coquine. Encore à cet âge, c'est Romu. Mais comment vous pouvez faire? Mais ouais. Oui, tout des coquines. Oh, arrête. Et Gwendoline qui dit aussi et dire que le 22 juillet, je connaissais pas l'émission de Mickaël. C'est le 6 septembre que j'ai connu Mickaël. Et vous? Ah bah moi depuis le 22 juillet j'écoute l'émission. Ouais, pareil. Ah, moi je suis là depuis le 22 juillet, pareil. Moi je pars arrive en retard. Il y a Johan qui dit: les filles qui avalent ont plus de mémoire car les hommes leur transfèrent leur génie à ces ignorances. Oh, ça, ah c'est bon ça. En mettant c'est une blague, heureusement quand même, hein. Voilà, ça m'a quand même fait marrer même. Vrai, quand même. Bah arrête ton cinéma, bah certainement pas toi alors là. Ouais. C'est vraiment l'hôpital qui se fout de la charité. Mais hein. Va voir ta mère, enfant de putain. Bon, Yannès qui dit aussi: tu peux discuter avec la personne sans forcément penser à autre chose, Mickaël. Non, d'accord, après je ne dis pas le contraire. Je ne dis pas que c'est pas parce que tu discutes avec une fille ou une femme à un moment ou à un autre que à chaque fois t'as envie de lui passer dessus, faut pas déconner. Mais s'il y a une attirance physique à un moment et que vous remettez le couvert plusieurs fois à discuter, genre il y a un moment, il y a quand même toujours une arrière-pensée. Et ça, si physiquement il ou elle ne vous plaît pas, là je pense qu'effectivement il y aura jamais d'arrière-pensée. Physiquement, si je discute avec des meufs qui ne me plaisent absolument pas, ça me pose pas de problème, je n'ai aucun souci avec ça et j'aurai jamais envie de quoi que ce soit. Mm-hmm. Voilà, si toi t'es une meuf par exemple, je discute avec elle a priori, aucun problème. Ouais. Oh là là, alors là aucun souci. Bon, on va prendre Émilie qui est avec nous également de Montpellier. Salut Émilie. Salut. Comment va la Montpellier-Rennes? Ça va. En pleine forme? Ouais. Bon, alors est-ce que tu voulais, toi, réagir au grand débat que nous avons improvisé? Ou alors tu voulais te proposer pour discuter avec Eric? Non, je voulais juste réagir. Oh, surtout pas discuter avec Eric. Ah non, ouais, faire chier non, non, non. Bon, alors du coup, toi, est-ce que tu as déjà eu l'occasion de discuter avec des mecs ou avec des meufs, hein, je sais pas pour qui t'aimes, enfin peu importe, et bah, ne rien faire derrière, enfin de ne pas avoir arrière-pensée ni quoi que ce soit? Ah oui, tout à fait, parce que bah, comme Eric, moi je travaille la nuit. Ouais. Je suis en train de travailler là. Donc, tu fais quoi? je suis agent de sécurité. Ah ouais, c'est marrant ça. Enfin, c'est marrant. Une fille, 19 ans, agent de sécu, c'est rigolo, ouais. Quoi, t'es baraquée ou t'es toute fine, toute menue? Normal. Non, mais je m'appelle Robert, hein. On m'appelle Robert dans ouais, la profession, dans le métier, oui, voilà, ouais, c'est ça. Non, je fais pas 80 kilos, non. D'accord. Mais bon, elle est quelque chose quand même, hein, le week-end. Ouais, bon. C'est ça, ouais. Bon, et donc du coup, tu travailles la nuit dans la sécu, très bien, et alors? Et bah voilà, j'ai plein de d'amis qui me parlent et tout, et il n'y a pas d'arrière-pensée, en fait. Ça, tu sais pas... Ça avec oui. Les garçons et... Avec les mecs... Méfie-toi. Ouais. Ouais, parce que peut-être qu'il n'y a pas d'arrière-pensée pour toi, mais peut-être qu'il y en a pour lui. Enfin, pour eux. Ouais, mais bon, ils savent que moi, que si que s'ils veulent plus, que on s'en fout, quoi. Oui, non, mais voilà, après, ça, c'est un autre problème. Mais encore une fois, il y a un message qui dit aussi, d'Adeline qui dit, une amitié homme-femme est totalement possible, il faut arrêter les préjugés. Mais je n'ai pas dit qu'elle n'était pas possible. Il n'y a pas de problème là-dessus. C'est possible, une amitié homme-femme. C'est juste que si tu as une amitié avec quelqu'un que tu trouves physiquement, attirant ou attirante, bah, l'amitié peut être là, mais t'auras quand même toujours, en tout cas, je parle pour les mecs, hein, après, je suis pas à la place d'une meuf, mais il y aura quand même toujours cette petite ouverture qui fait que peut-être que le mec arrivera à se contenir en disant bah il y a l'amitié, mais si jamais la meuf à un moment ou un autre laisse passer, je sais pas moi, une idée ou une ouverture, bah le mec va sauter dessus quoi. Si physiquement, si elle lui plaît physiquement, c'est évident. Si la meuf lui plaît pas physiquement, bah il y aura pas de problème. Mais si elle lui plaît physiquement, je pense ouais. que Regarde le nombre de colocataires qui finissent une fois de temps en temps par se mettre un petit coup. Ouais, bah fuck friend quoi, voilà. Mais après, comme je disais, j'ai pas de problème avec l'amitié aux femmes, je sais que ça existe, y a pas de souci. Il y a l'homme de Sandra qui a envoyé un message sur le Facebook. Moi, je confirme que l'amitié homme-femme existe sans arrière-pensée. Oui, mais est-ce que physiquement tu trouves la meuf agréable physiquement, voilà. Il y a Alex qui dit, moi je suis comme tous les jours de 1h à 6h, même si je suis un mec, je suis pas homo non plus. Et Ludivine qui dit, j'adore trop fort toutes ces conneries, je vous capte pas bien ce soir. Merde, c'est dommage Ludivine. Bah écoute, avec l'application ou alors sur internet directement, hein, sur fanradio.fr, t'hésites pas surtout. Bon, Émilie. Oui. Et toi, dans les amitiés que t'as eues avec des mecs, il n'y en a aucun à aucun moment qui a essayé de te faire passer un message ou qui finalement a été franc en disant bon ben voilà les choses. Quitte à se faire rembarrer, mais tu vois qu'il ait dit quelque chose quoi, non? Ben oui, il y en a eu quelques-uns, mais c'est pas aller plus loin en fait. Et voilà, j'ai mon meilleur ami, ça fait 8 ans qu'on se connaît, et voilà, il s'est jamais rien passé entre nous, et voilà, enfin. Mais est-ce que dans sa tête il s'est pas passé plein de trucs? Parce que si ça se trouve, c'est ça, tu comme sais avec pas, Toff, ça se trouve, c'est drague, s'en souviennent. Hein, peut-être que voilà, tous les soirs il rentre et il se paluche sur tes photos. Hein. Il allume ton Facebook et puis ça y va, hein, sur l'écran. Non, mais peut-être qu'après 8 ans, tu vois, je crois que t'es passé à autre chose. Mais quand c'est plus récent, par exemple, ou quand le mec a jamais eu une meuf, ou. Enfin, tu vois. L'avantage avec une amie, c'est que si tu la connais et que t'as jamais eu une meuf, par exemple, ou que t'es célibataire depuis longtemps, bah. Tu côtoies, t'as peut-être plus facile à y arriver. Si t'es un peu timide, tout ça, c'est plus facile puisque tu connais déjà la personne. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bon, après. Je suis tellement d'accord, mais bon, voilà, après. Enfin. Oui, mais après, voilà, c'est mon avis. Hein. Y a pas de malaise là-dessus, hein. Y a aucun problème. Bon, du coup, avec ça, on a toujours trouvé personne pour discuter avec Eric. Non. Voilà, donc si vous êtes une fille, vous avez envie de discuter avec Eric, n'hésitez pas à 01 42 48 5000. Pour la Belgique, le 02 851 4x0. Et puis, on vous mettra en relation avec grand plaisir. Bon. Tu fais quoi ce week-end, Émilie? Ce week-end, je suis en repos, donc je sais pas ce que je vais faire. Ah bah, Toff va à Montpellier, si tu veux. Bah oui, d'ailleurs, combien mesures-tu, Émilie? C'est pas le débat. Oh putain, si t'as une matraque, tu peux lui mettre dans les couilles. Enfin bon. Non, pas le droit. Ah merde. Ah zut, pas de chance. Combien mesures-tu, Émilie? 1m65. Comment? 1m65. D'accord, combien pèses-tu? 57 kilos. Quel est ton tour de poitrine? 90B. Et la taille du dernier pantalon que tu as acheté? 38. Ah oui, ça donne envie de faire un braquage. Hein. Bonne, bonne, bonne, bonne, bonne. Qu'est-ce qu'elle est bonne? Qu'est-ce qu'elle est bonne? Qu'est-ce qu'elle est bonne? En toute amitié, bien entendu, effectivement. Bon, bah écoute, Toff a justement décidé de faire un braquage ce week-end vers Montpellier. Oui. Je vais tout voler. Ça sera difficile. Oh, pourquoi? Parce que tu vas l'en empêcher? Non, non. Mmh. Je suis pas dans un magasin. Ah merde. Ah merde. Tu surveilles quoi? Tu surveilles quoi? Du fumier. Je suis dans une piste de cancer. Pour le cancer. Ah oui, bah là, il n'y a rien à voler. Ouais, effectivement, oui, effectivement, je confirme. Non, bah très bien. Bah écoute, alors, bah bon boulot alors. Hein. Merci. Avec plaisir. Ah, mais t'es déjà passé toi, il me semble, Émilie, non? À l'antenne. Il y a quelques mois. Je me souviens, ouais, mmh. Que t'étais agent de sécu. En début, vers août. Ouais, et on avait parlé d'ailleurs on avait parlé du fait que t'étais dans un métier avec des mecs, etc., etc. Ouais, voilà. Et t'avais appelé pour quoi encore? Et c'est tout, hein. Non, mais t'avais juste, pas dit que ça se passait pas super bien avec les mecs? Si, par rapport à mon métier, qu'ils étaient tous réticents parce que je suis un métier de mec. Juste, voilà, exactement. Et ça va mieux, là? Ouais, ouais, maintenant qu'elle les a tous tapés, ça va mieux. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu m'étonnes. Bon, bah nickel. Bah écoute, impeccable. Et merci d'avoir appelé, Emily. Je te fais des bisous. De rien, bisous. Salut Émilie, ciao, à bientôt, ciao. Bye bye. Eric, merci à toi d'être passé également. Et puis si jamais on a des filles donc, qui veulent discuter avec toi en tout bien, tout honneur, il n'y a pas de problème, on donnera ton numéro avec plaisir. Ben, merci beaucoup l'équipe. Avec grand plaisir également, salut à toi, à bientôt. Salut. Salut, ciao à toi. Et il faut absolument qu'on arrive à avoir dimanche notre ami. Hein. Surtout pour me faire un baiser à la coque. Oh, oui, ça fait longtemps. Là. Ben, ça fait longtemps qu'on a plus eu Gilou. Là, je commence à m'inquiéter. Tu te sucerais le sang et tout. Ben voilà, c'est ça. Oh, arrête de me faire manger. Oh là là, toute une histoire quand même avec notre ami Gilou. Là. Bon, 1h55 sur Fun Radio. Il y a Sabrina qui a envoyé un message sur l'application Mickaël No Limit, qui est disponible d'ailleurs hein, sur iTunes gratuitement. Coucou de Sabrina de Marseille. Vous m'avez réconcilié avec la radio, bande de farfelus. Lol, bisous à tous. Sabrina, par contre, toi, tu nous as pas réconcilié avec le mot farfelu. Ah, mais... Tu vois qu'on l'avait déjà banni et qu'on bannit encore plus. Hein, ah, mais... Moi, je trouvais ça mignon. Farfelu. En tout cas, sois la bienvenue, Sabrina. Je te fais plein de bisous à Marseille. Il y a Vincent qui dit déjà, on a eu une grande amitié longtemps avec un mec. Il a... Ah non, alors du coup, c'est S. Il a fini par avouer ses sentiments et son cœur a fini brisé. Comme quoi, des fois, éviter les amitiés. Il faut éviter les amitiés comme ça. Ouais, mais vous savez, par exemple, moi, un jour, je l'avais déjà raconté, mais pour ceux qui n'étaient pas là, j'étais... Ouais, pote, vite fait, on n'était pas amis non plus, tu vois, on se connaissait pas depuis longtemps non plus, depuis quelques mois, quoi, et bah moi, j'ai envie de sortir avec la meuf, et donc, chaque fois, j'attendais parce que j'osais pas, enfin bref, une histoire, j'ai toujours été très mauvais dans le domaine. C'est pour ça que ça a duré quelques mois avant qu'ils se rendent compte. Voilà, et donc, au moment où je me dis, c'est bon, je me lance, on va au ciné, bon, j'avais quoi, 16 ans, je crois, 16, ouais, 16 balais, ouais, on va au ciné, on revient, et quand on était dans le métro, je crois, ou dans le bus, je sais plus, on revient, et au moment où j'inspire... Pour lui dire, elle dit ah, en tout cas avec toi ce qui est bien c'est qu'on sait qu'il n'y a pas d'arrière-pensée. Bah ça m'a tué le délire, hein, du coup je l'ai jamais dit, hein, donc voilà comme ça. Bah oui mais attends, l'autre elle dit ce qui est bien avec toi c'est qu'il n'y a pas d'arrière-pensée. J'allais pas me tirer une balle dans le pied et lui dire ah ouais ouais non en fait pas du tout. Je lui dis ouais c'est vrai, t'as raison. déjà qu'elle venait de te tirer une balle dans le cœur. Ah bah là oui. Oh dis donc alors qu'est-ce qui t'arrive? Mais va voir ta mère enfant de putain. Le gars qui a dit de la merde pendant 3 heures et puis à la fin de l'émission jette un petit pavé comme ça de. T'as vu d'amour, c'est ça, c'est ça. Un petit côté romantique comme ça qui est passé vite. En fait quand il y a beaucoup d'audience, il dit que de la merde et tu sais vers 2 heures quand il y en a plein qui sont partis dormir. Voilà. Oh béchine, t'as tiré dans le cœur. Ah mignon mignon. Enfin, bon, top tweetos. Allons-y. Ah ben, top tweetos, maintenant, attention. Attention. Je rappelle que c'est le numéro 3 ce soir qui repart avec... Le sextoy offert par... Passagedudésir.fr. Évidemment. Allez, c'est parti. Top tweetos, le numéro 4... 5, pardon. 5, Ludwig. Le numéro... je rappelle que si le troisième a déjà gagné, on ira vers le premier, deuxième et le premier. Et ensuite, si jamais ouais. Tout le monde a gagné, on ira 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Enfin bref. Jusqu'à ce qu'on trouve quelqu'un qui n'a pas encore gagné. Numéro 4. Numéro 4, Holly Fun. Numéro 2. Fred S. Numéro 1. Magda. Et enfin le numéro 3, le gagnant ou la gagnante. Non, Cédric, il a déjà gagné. Ah, il a déjà gagné. Alors du coup, le 2, c'est de 2 et 1, c'est déjà gagné aussi ou pas? Ouais, Leaf Fun, il en a déjà un aussi, je crois. Ouais, alors donc, numéro 4. Ludwig, je crois qu'il en a pas eu encore. Ludwig. Non. Ludwig, elle n'en a pas eu. Eh ben, écoute, sous réserve. Ah, Ludwig. Sous réserve, qu'on ait vérifié tout ça, etc., etc. Un bon, nouveau DJ qui sait qu'il bosse. C'est ça son. D'accord, ok, bah très bien. Bah voilà, bah bravo à lui en tout cas. Le sextoy offert par. Passagedudésir.fr. Voilà, il y a Benjamin qui a envoyé un message qui dit Mickaël, t'es le meilleur. Tu nous vends du rêve. Dédicace à toute l'équipe et au Diepois et Envermedois. Eh ben voilà, le message est passé. Merci à vous en tout cas. On va également se faire le générique de fin. Oui, un peu en avance ce soir, mais c'est pas plus mal. C'est pas plus mal. On va remercier également les auditeurs qui sont passés. Il y avait Vincent et Valentin. C'est ça? Putain, quel talent. Bon, ça va, merci les gars hein, d'être passés. Hein. Merci à vous. Ah bah tranquille, hein, et toujours dans le micro, hein, c'est-à-dire dedans, là, comme moi quand même. Parce que si je parle là, tu m'entends moins bien. Regarde, hop, directement devant le micro. Bon, ça va, vous avez kiffé? Ouais, tranquille. Bon, très bien. Vous avez vu l'actel de toi, vous avez pas eu peur? Non, ça va. Non? Il est moins pire qu'en photo. Ah bon? Je vous remercie les mais gars. Parce que là il est pas en calbut. Parce que si vous aviez vu non, mais, en calbut. Si vous voulez je vais vous montrer mon cul avant de partir. Okay, alors. Le gars est laid quand même non. Mais il est quand même il est vain non. Ça va, non ça va. Mais vous avez merci des problèmes de vue. Soyez francs, il n'y a pas de problème. On est là plusieurs à vous défendre au cas où. De toute façon il va pas il peut pas taper une mouche. Donc t'inquiète pas hein. Et puis je rappelle que. Mais va voir ta mère enfant de putain oh. Voilà bon alors du coup qu'est-ce que vous en pensez en vrai? De Toff. Physiquement. Le gars il est quand même non. Non ça va. Putain mais c'est merci pas possible. Les gars merci ouais, bon d'accord. Quel et de son gros de suceur alors. Oh elle est jolie ah. Tu lui mettrais une cartouche. Deux même. Moi je suis maquillé donc. Genre ouais, mais, oh, ouais, elle écoute pas à cette heure là. Attends elle est dans quelle ville? Elle est à Paris. Non. Elle est où? En Essonne. En Essonne. Bah alors attends, je vais dans la région parisienne. Ouais, c'est ça. Attends, je coupe l'Essonne. Hop. Vas-y, c'est coupé. Alors tu mets une cartouche ou pas? Non. Très bien. L'Essonne est coupé. Ah, il a répondu oui, hein. Voilà. Oh comme ça, là, au moins, si jamais cochon. La copine écoute, hein. Au moins, ça, c'est fait. Parfait. Et de Polo, la tête, là, non? Pas de Piper? Non, ça va. Non, ça va, ils ont plus de rien, bon, tant mieux. Voilà. Bah non, mais qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça, pourquoi pas? Bon, bah du coup, générique de fin, c'est parti. On y va, attention. 3. Vous voulez chanter le générique de fin? On veut passer une bécasse, c'est possible? Non, une bécasse, c'est pas possible. Une bécasse, oui, hein. Il y a Sandro qui est là si tu veux. Hein. Bon, allez-y, je vous mets la musique là. Ouais. Hop là. Bah, dédicace à Guillaume, Lucie, au Bouffas et à tous ceux qui me reconnaîtront. Très bien, parfait. Yo, il a fait son doigt. Ouais, exactement. Et à côté, il n'en faut pas, non? Non, il a pas d'amis, il connaît personne, pas de problème. Très bien. Allez, générique de fin, attention, on y va, tout le monde est prêt? Ouais. 3, 4. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Tu bouffes des bites, te sucer, toi l'enculé. T'aimes tellement ça. Ah non. Aucune comme toi. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Encule ton oncle, t'es un enculé. Tu ne peux pas dormir ou bien manger car t'encules ton oncle toute la journée. Merde. Je sais pas qui vous êtes, mais dégagez de là. Mais va voir ta mère, enfant de putain, oh. Pauvre connard. Qu'est-ce qui se passe ici? Bah, allons vous faire enculer, gros pédé. Quel cauchemar. Que veux-tu? Ils sont canadiens. Toi l'enculé, toi l'enculé, toi l'enculé, toi l'enculé. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. C'est toi l'enculé. T'aimes tellement ça te faire enculer. Et toi ton oncle c'est un enculé. Oui tous les deux, on est des enculés. Eh ben voilà, une bonne chose de faite. Merci Lilou. Très bien. Et oui, comme d'habitude, évidemment, on la remercie. Ce grand talent. Ouais. Ce grand talent pour le Sus ma bite, bien entendu, à la fin, bien entendu. Bon, allez, on se retrouve dimanche en pleine forme à partir de 20h. Ouais. On sera là avec les GoPro. GoPro Hero 3 plus Black Edition. C'est le haut de gamme, cherchez pas plus loin. Il y aura aussi des casques, les Beats by Dre qu'on vous offrira toute la semaine prochaine. On aura d'autres canulars, bien entendu, d'autres appels. Bref, plein d'idées. Si vous en avez, vous voulez les transmettre, n'hésitez pas. Merci à tous ceux qui étaient connectés ce soir, qui ont participé à l'émission via internet, via le téléphone, via SMS, via tout ce que vous voulez, hein. Tout est possible de toute façon. N'hésitez pas à revenir, bien sûr, dès dimanche. Continuez à parler de l'émission également, même demain, hein, au Bahut, il n'y a pas de problème. Prévenez vos potes qu'il se passe enfin quelque chose le soir à la radio. C'est sur Fun Radio que ça se passe, entre 23h et 2h du mat. Et le dimanche notamment, de 20h à minuit sur Fun Radio. Please call again. Mickaël, no limit. Tous les soirs, 23h, 2h, sur Fun Radio. Fun Radio. Et c'est notre ami JB dans la radio. Oh, oh, oh. 2h02 les gars. Ouais, on est malade. Ouais, on mais est malade. Parce que faut qu'on parle d'un truc. Oui, parce que moi j'étais là à 6h du matin. Ah oui, alors il s'est passé quoi? Attendez, attendez, okay. Parce que le hier truc alors, de ouf. Alors, attendez, moi j'étais là à 6h du matin. Stop. Voilà. Donc à 6h du hier à cette heure-ci plus ou moins, JB s'est engagé comme d'habitude à faire la meilleure blague du monde à 5h59 avant Bruno le matin, avant Bruno dans la radio. Que s'est-il passé à 5h59, Tof? JB répète. Non mais ce que tu as dit à 5h59 précise. Déjà je m'attendais pas à ce qu'il y ait Tof qui arrive. C'est-à-dire que Tof, la nuit on le voit pas, à 5h45 il arrive en studio. Ah salut les gars. D'accord. Qu'est-ce que tu fous de l'aise, sale bouffon? Bah il baisait Bah ouais, j'ai baisé une meuf dans le bureau. Non. Donc t'as pas fait sur ça le sur bureau mon bureau de Polo. Non, je suis pas sûr pas que c'est encore, un fantasme. Mais ça va venir. Ouais, c'est un fantasme. Hey, jamais, Tof. Je suis capable d'ouvrir la tête. Mais ce qui est bien, c'est que je peux ramener une meuf, la baiser, JB, il entend rien. Ça, c'est bon, il écoute. Ah, j'ai rien entendu. Il écoute tellement de toute fort façon, dans le studio. Il écoutait le son d'Enflor à fond de balle, là. Ah, bah là, ouais. C'était quoi la vanne? Je sais plus. Ah, ouais, si, je sais, mais bon. Vas-y. Alors, vas-y, c'était quoi la vanne? Fais-la, bon. Fais-la. Je ne dis rien, fais-la. Mais non, mais de toute façon, je l'ai faite, donc y a pas de bisous. Selena Gomez, Polo, elle a fait quoi comme étude, Selena Gomez? Je sais pas. Bah c'est Léna qu'elle a fait. Ah, c'est pas mal. Elle a fait l'ENA. Merci Polo. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors, l'ENA, évidemment, l'école nationale d'administration. Voilà. Ouais. Alors, parce qu'il faut savoir quand même que Bruno, il lui fait. Bon, alors, c'est quoi l'ENA? C'est l'école nationale d'administration. Voilà, évidemment, évidemment. Évidemment, évidemment, je ne savais pas. Évidemment. C'est-à-dire qu'il fait des vannes, mais il connaît. C'est pas mais voilà, c'est ça. Ouais. Bon, voilà. Eh ben, je vous laisse avec le plus mauvais blagueur de la FM. Voilà, donc c'était pitoyable. Rassure, il a des chaussures de merde. Attends, je peux montrer, voilà, regardez. Oh, quelle horreur. Regardez ça. Quelle horreur. Zébré rouge. En tout cas, une chose. Une chose est sûre. Dis que t'aimes bien. Non. Elles sont dégueulasses. Bon, bah moi, le directeur d'antenne, enfin le sous-chef, donc Lucas, m'a dit qu'il aimait bien. Mais ça ne m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Il adore les chaussures, il m'a dit, t'es classe. Ah ouais, mec. Ouais, mec, c'est horrible. Alors, soit il a aussi mauvais goût, il a des mauvais goûts comme toi, soit il fout de ta gueule. Il y a deux solutions possibles. Les zébrés rouges, j'ai jamais vu ça. Ouais. Il faudra voir s'il a aimé la blague de Selena. Je pense que c'est ce qui nous. C'est ce qui nous mettra le barème, tu vois, le barème de la blague et le barème du goût. Bon, on verra bien. On se retrouve le dimanche, donc juste après l'Eurodance avec Miko. Et puis, bah là, c'est parti avec JB jusqu'à 6h du mat. On boit beaucoup au barème. Je quitte cette émission. That's all we care about is I'm party, keeping them good vibes in the air.